bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM, rigfm.fr. On est ensemble pour cette nouvelle saison qui débute très très tôt cette année avec les tours préliminaires d'Europa League qui vont arriver. On est content de vous retrouver après cette petite très courte trêve qui nous a Adrien, tu me regardes, je le vois dans tes yeux, je le vois dans tes yeux que c'était bien, que t'as kiffé. Champion du monde, évidemment, on va consacrer. Pour Adrien, vu qu'il a eu sa première Coupe du Monde, sa première fois. Ouais. Par contre, c'est vraiment que je pour faire la première fois. Je m'entends pas du tout dans le son, Marco, je sais pas ce qui se passe. Ouais, bah, j'ai rien dans le casque, donc je sais pas comment on va se débrouiller. J'ai pas de son. C'est pas grave, on va continuer quand même. Donc, nouveau format, 20h-21h30, on a Marc qui va vous faire un petit topo rapidement sur il y a plein de nouveautés cette saison. On change, on garde les mêmes jours, on change les horaires. Il y aura une grosse émission une fois par mois, on vous fera un petit briefing tout à l'heure. Donc 20h-21h30, plus de pause et pour plus de débats. J'ai limite un truc envie de te dire. Oui, tu peux reprendre ton lancement. Ok. Je te l'ai expliqué quand on a fait. Il faut absolument que tu baisses ton potard quand tu te mets à parler. Non, mais c'est pas normal que je m'entendais pas du tout. C'est normal, t'avais la musique au-dessus de ta voix. Donc trois fois, baisse ton potard, sinon on ne t'entendra pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que les gens vous oubliez totalement ce qui vient de se passer. Hein. Je suis désolé, ça marchait bien. On va faire un remake parce qu'on a des mecs qui sont partis en vacances. Un replay. Et ouais, et non, mais tu le vis, ça fait juste un mois et demi qu'on a arrêté. J'ai l'impression tu de as tout, perdu. Tout redécouvrir. C'est non, pas il grave. Faut que tu baisses ton potard, sinon. On t'entend pas. Non, okay. On va pas refaire l'émission, on s'en fout, on coupera. On fera un montage. Voilà, on fera un montage. Donc, rapide tour de table. On apprend aux gens qu'on sait faire. Rapide tour de table, ce soir on est au complet. Je vais vous présenter rapidement l'équipe autour de moi et puis Marc après vous fera un petit topo sur les nouveautés. Honneur aux demoiselles. Dame ou demoiselle ? Demoiselle. Demoiselle. Jade est avec nous en studio. Bonsoir Jade. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission de la saison. Mais avec plaisir. Jade, on youtubeuse, c'est ça. Supportrice des Girondins, fan de foot. Exactement, des Girondins, fan de foot, avec donc la chaîne YouTube donc Passement de Jade, sur laquelle je fais des avant-matchs. Et je me suis pas consacrée spécifiquement aux Girondins de Bordeaux, mais ça peut venir. Si ça se lance bien. Et pourquoi pas? Et dès jeudi, avec un peu de chance, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Également avec moi autour de la table ce soir, je vais commencer par celui qui était au Royan cet après-midi, il va nous raconter ce qu'il a vu, c'est Enzo. Salut Enzo. Salut tout le monde. Ça s'est bien passé, t'es content? Ouais, je suis content. Ouais, t'as vu Malcolm, t'as pleuré, tu lui as dit au revoir. Non, je suis avec nous également Adrien, il a son beau maillot, mais il a pas sa deuxième étoile. Et non. Et non, ça c'est ballot. Ouais, 90 balles garçon, va falloir raquer. Va casser ton PEL. 140. Le rouge, je les entends pas non plus. Toi je t'entends le jaune, mais le rouge je l'entends pas. Comment s'appelle-t-il? Rémi, excuse-moi. Salut. Ça va Rémi? Ça va. T'as passé je suppose que la trêve elle a été bonne comme ouais, si tu me dis non, je suis dégoûté, j'étais pour l'Allemagne. Ah, putain, grave, j'étais pour les Croates, fais chier. Ouais. Ouais. Non, champion du monde, ça va. Et celui qui dans 3 jours va aller cramer de 8h le matin à 17h en attendant de voir passer Romain Bardet dans un col des Pyrénées. C'est où que tu vas Cyril? Je vais, donc du coup je fais l'étape à Pau, l'arrivée au sprint. Le lendemain on est à l'Aubisque et puis après il y a le contre-la-montre. Oh la vache. Voilà. Avec Clément. Ouais, on va se taper un délire Tour de France. Ouais, on essaiera de vous choper vendredi dans l'émission, ça peut être marrant en direct. Pas de soucis. Suivant l'heure à laquelle il sera. Dès que j'ai Romain Bardet, je vous appelle. Ah ouais, carrément. Y a pas un cycliste là, un peu fan des Girondins dans le. Moi je sais juste qu'il y a quand même un speaker. Oui, il y a Eric, ouais, j'ai vu. Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Il y a beaucoup, à mon avis, de Parisiens. Vidéos, d'ailleurs. Bon, Marc, non, on te lève pas, ça va être à toi. Ok, d'accord, tu as juste baissé le numéro. Oui, dis-moi. 3 ou 2. Le numéro 3 le ou 2. Le 2, je dirais. Bah, le 2. Allez, feu. Allez, le 2. Marc, présente rapidement avant qu'on commence l'émission sur la Coupe du Monde par très les nouveautés de cette saison. Comme on est une dame autour de la table, je vais faire attention à ce que je dis. Mais comme on était des gonzesses et qu'on a été fatigués de nos semaines à finir les émissions à 23h30, on a décidé de changer les horaires du fait que pour l'instant vous ne retrouverez plus les désaccès le vendredi. Donc toutes nos émissions se feront maintenant de 20h à 21h30 sans pause. Donc au final, le temps d'antenne reste similairement le même à 5-10 minutes près. Le but c'est vraiment finir à 21h30. On peut déborder un peu, mais 21h45 on se termine, comme ça nous on n'est pas fatigué le lendemain matin pour aller travailler. Ça c'est la première partie. Donc vous allez retrouver toujours lundi vendredi le même concept de l'émission. il y a juste un concept qui change le premier vendredi de chaque mois à partir de septembre, parce que il y aura trop rien à dire pour faire la cette première sera le 7, on a déjà la date. Non, le 1. Bah, on avait dit le 7 à la réunion. Le premier vendredi de septembre. Bah, le 7, alors qu'il y a le match de l'équipe de France. Non, on avait dit pas le 7. Bon, bah, le 1, donc le 1. On va retrouver le. Donc en fait, je viens de me faire déjuger, c'est bien le 7, puisque ça tombe pas le 1. Donc, merci. Merci. Commence très très très très mal l'année. On n'a jamais deux fois l'occasion de fermer sa bouche. En effet. Donc, le premier vendredi qui sera donc le 7, on fait une émission qui se déroule de 4h, donc de 20h à minuit. Le but, c'est de sortir un petit peu des standards GA. On va y retrouver les grosses interviews qu'on a l'habitude de faire, que ce soit avec des invités en studio ou hors studio. On va parler pas forcément que de foot. Il y aura toujours les avant-matchs parce que c'est un vendredi, donc il y aura les après-matchs. Voilà, les avant-matchs, si ça change pas. Vous retrouverez les 1h30 facilement, mais on va faire autre chose autour. Il y aura les quiz, c'est à ce moment-là qu'on fera les C'est Kiki. On fera les interviews, on fera des choses totalement décalées qui pourraient rien avoir avec les Girondins. Faire participer des groupes de musique bordelais. Élargir aux autres sports. De hockey, comme on avait pu faire en fin de saison l'année dernière. Donc, c'est pas se cantonner. Forcément qu'au Girona, on parlera plus souvent des féminines sur cette tranche d'horreur. Voilà, le but c'est essayer de vous faire participer sur les C'est Kiki, donc on cherche aussi de nouvelles façons de vous faire participer. On a toujours rien à vous faire gagner, on va pas se mentir. Hein. On est toujours aussi pauvres. On a des volets roulants qui se lèvent pas à la radio. Là, on est dans la semi-pénombre. mais on est bien. Sinon, on est bien. Voilà, on est bien. Voilà. Donc en gros, ça sera ça. Et vous retrouverez aussi des émissions. Donc sûrement le premier dimanche de l'année après le match de Strasbourg, on fera une heure de live ou une heure et demie, ça dépendra des temps d'antenne qu'on aura juste après les matchs, quand il y aura des matchs exceptionnels. Donc forcément, si c'est un Bordeaux-Nancy à dimanche à 17h, on fera pas une émission. Est-ce que derrière. Nancy est en Ligue 1 cette année? Oui, j'en sais pas. Rien, franchement j'en sais rien, je sais pas où ils sont. Mais par exemple Strasbourg, ce sera le premier match de l'année, donc on en parlera. Quand ça sera des gros matchs, pareil, on fera des émissions derrière. Mais voilà, on va mettre ça plus souvent au goût du jour. On le faisait quand les matchs tombaient le vendredi, on le fera plus souvent, notamment le dimanche. Alors on accueille nos amis du chat également présents ce soir, ça commence à arriver pas mal. On a Seb du 33 qui nous dit pas de Taverneau ou Martin ce soir comme invité. Alors comme depuis 9 ans non. Voilà, ça fait 9 ans qu'on essaye, ça fait 9 ans qu'on se monte des bâches, donc on va continuer hein, parce qu'on est. On va pas se mentir, on n'a pas essayé ce soir. Bon, on va pas se mentir, on n'a pas vraiment cherché, et puis c'est surtout qu'en ce moment ils ont rien d'autre à faire, donc tu vois, ils sont un peu peinards. Ils sont en vacances. Oui, bah oui. De Taverneau, on en a plus que pour 2 semaines. Oui, après, oui, 2 semaines, ou plus ou moins, on sait pas, on verra. Voilà, vous pouvez nous appeler évidemment 05 56 35 31 pour réagir en direct à tout ce qui se dira dans l'émission. Première heure, jusqu'à grosso modo, on va dire jusqu'à 9h. Évidemment, on pouvait pas ne pas revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Non, enfin, c'est même pas ça, c'est juste qu'on avait eu envie de kiffer. C'est surtout de faire une heure et demie sur Van Pils et un train mercato qui n'existe pas, ça allait être chaud. Et la vente de Malcolm, c'est-à-dire qu'entre le parti dépressif et la partie joyeuse, on a préféré une heure de partie joyeuse et 30 minutes de dépression. Donc, on va assez souffrir toute la saison. Je pense que vous avez bien profité de la Coupe du Monde. Ça fait juste 9 ans qu'on n'a jamais rien gagné, donc pour une fois qu'on gagne quelque chose. Voilà, on s'est dit, allez, on est chaud. Donc, on va faire jusqu'à 9h. La Coupe de France en 2013. Coupe du monde. Moi j'ai kiffé, j'ai joué au stade aussi. Avec 2-3 débats et en dernière demi-heure, on reparlera évidemment du départ de Malcolm, du peut-être départ de Pablo, de Van Pils quand même, parce que j'ai réussi à choper quelques petites infos sur Van Pils pour connaître un petit peu mieux ce club letton ou lituanien, je sais même plus. Letton. Est-ce que tu pourrais nous mettre le chat s'il te plaît à tous? Oui, je pourrais, mais pas de suite, parce que tout de suite, avant de partir sur le débat Coupe du monde, messieurs. Un petit son d'une minute pour vous rappeler quand même ce qui s'est passé dimanche dernier. Il était 17h, on était tous devant la télé, pour les chanceux qui avaient pu aller au stade. Si vous étiez au stade, franchement, si t'étais au stade, si t'avais la chance d'être au stade, appelle-nous, prends ton téléphone, appelle-nous. Petit son pour se remettre tout ça en tête. Si je me suis pas trompé, normalement c'est le bon. Et on revient dans une minute. 2-1 et c'est parti pour la finale de la Coupe du Monde 2018 qui va la mettre fort devant le but. Apparemment il va chercher une pointe pénalty. Ouais, et le but de l'équipe de France. 2-3 pas d'élan à la frappe de Griezmann, le contre qui est parfait. Il a Pogba, la frappe de Pogba, elle est contrée une deuxième fois, il va frapper du gol. Oh! est dans l'axe avec Mbappé. Mbappé, la frappe roulée. Un peu que ça fait du bien. Ouais. Ah, ça c'était pas prévu par contre. Voilà. Oh bon, 20 secondes. Non mais c'était bien. Je sais même pas par où commencer. Avant de passer sur les débats qu'on avait un petit peu planifié, genre le beau jeu contre voilà, contre le jeu moins beau. Rapidement, bah Jade, puisque tu es notre seule présence féminine de la soirée, et peut-être même de la saison, on va savoir. Cette Coupe du Monde, comment... Voilà, c'est parti un petit peu avec des matchs de poule, un peu, bon, on disait, voilà. Ouais, c'est sûr que c'était pas les plus beaux matchs, je pense notamment à celui contre le Danemark. Voilà, ça a été crescendo, on a eu... Enfin, c'était un petit peu particulier. On a beaucoup attendu de certains joueurs. Je pense notamment à Griezmann, mais qui avait plus du tout le même statut, on va dire, dans l'équipe que lors de l'Euro 2016. Donc, du coup, il a été bon, mais sur d'autres aspects. Ouais, voilà, d'autres aspects de son talent. On attendait que Giroud nous mette 150 buts et il en a mis aucun, mais il a été utile sur bien d'autres matchs. Donc moi je suis très contente, bah bien sûr parce que deuxième étoile, je suis assez satisfaite de ce qu'ils ont produit, même si parfois c'est vrai que ça a été dur de les défendre, mais je suis contente. Je suis contente de cette équipe et je pense que c'est le début de quelque chose. En tout cas, je l'espère. Pour la suite, pour l'Euro 2020, et etc., etc. Non. Juste une question. Alors, je t'écoute. Sans, parce que ça, c'est pas très poli, sans dévoiler, est-ce qu'il y a 20 ans, en termes de... Est-ce que tu l'as vécu il y a 20 ans? Bon, moi et Cyril, par exemple, on va pas se mentir. Moi, je l'ai mieux vécu il y a 20 ans. Voilà, on avait 15 ans. Enfin, Cyril, t'en avais 16. Non, ben non, 15 ou 17, je sais pas quel âge. J'avais 17 ans. Et moi, j'avais 15 ans il y a 20 ans. Donc, si tu veux, pour moi et Cyril... On était contents, c'était top. Il y a 20 ans. Mais on est, et puis à 35 ans, tu te mets pas pareil que quand t'en as 20. Mais par exemple, pour Adrien ou Enzo. Est-ce que tu étais assez vieille? Est-ce que j'étais née déjà? Non, mais en termes de ressenti perso, est-ce que ça t'a procuré le même truc qu'il y a 20 ans de toi? La question, est-ce que tu l'as vraiment vécu 98 comme eux deux, ou est-ce que t'es plutôt dans le cas de classe ou t'étais trop jeune? Bah, j'étais jeune, j'avais, pour tout vous dire, j'avais 7 ans. Mais je l'ai vécu quand même. Je me souviens notamment de la finale, parce que c'est vrai que je me souviens très peu des autres matchs, mais après j'ai vu forcément toutes les vidéos. Mais c'est pas pareil. J'ai l'impression qu'il y avait quand même plus de ferveur en 98. Forcément, déjà, c'était la première. C'est ça. On joue contre le Brésil, donc déjà, on part pas favori. C'est différent. C'est différent. Tout était différent. Mais après, ne serait-ce que... C'était en France. Déjà, c'était en France. Mais puis même, ne serait-ce que dans l'œil des joueurs, là, on l'a vécu avec eux, parce que bah, tous les réseaux sociaux, etc. Donc c'était quand même fort. Mais justement, de pas voir du tout ce qui se passait en 98 et de le voir que je sais plus combien de temps après, voilà, avec les reportages qu'il y a eu, c'était quand même plus fort. Là, avant le coup d'envoi, pour moi, ils étaient quand même favoris. Même si la Croatie, c'était quand même un poison cette année, ils étaient quand même favoris. Je me suis dit, on ne peut pas ne pas le faire. Arrivé là, on ne peut pas ne pas le faire. Donc, c'était presque normal. Oui, c'est ça, il n'y avait pas ce truc. Donc, il manquait voilà, cette petite étincelle. Ils ont fait l'exploit de battre le Brésil. J'ai plus 7 ans. Donc forcément, je l'ai vécu d'une autre manière. Puis j'étais pas passionnée à l'âge que j'avais en 98, autant que je le suis maintenant en tout cas. Donc je l'ai pas vécu de la même manière. Mais voilà, au niveau de cette petite étincelle, effectivement, c'était différent. Mais c'était quand même fou. C'était quand même fou. En plus, j'étais à Chabans et je l'ai vécu. Voilà, c'était. J'ai jamais vu. Autant de ferveur à Bordeaux. Ah, c'était le soupçon. Que pour le sport, que pour un concert, que pour n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Et c'était top. Oh, Marc, tu peux dandiner de la tête, je suis désolé. 2009, à part la mort 80, de Johnny. Mais non, mais 2009, 80 000 personnes sur les quinconces. Et ah, je me souviens qu'il y avait énormément de monde. Que au quinconce. Là, c'était dans toute la ville. Parce qu'il n'y avait pas les quinconces. Voilà, donc ça l'a réparti. Mais je pense que c'est très rare que Bordeaux ait réussi à sortir 80 000 personnes à un seul endroit. Après, moi personnellement. Sur le parcours, sur. Non, mais moi, j'ai kiffé cette Coupe du Monde. Forcément, je l'ai vu, je l'ai vécu plus intensément que l'époque où j'avais 9 ans, hein, forcément. J'avais pas fait la fête comme je l'ai fait ce soir-là. J'ai pas fait le con comme j'ai fait ce soir-là. Donc il y avait l'adversité en moins, c'est parce que tu joues une Argentine qui est pas vraiment l'Argentine, et puis après tu fais Uruguay, Belgique, Croatie, qui sont des clubs, qui sont des pays qui sont censés être à ta portée. Contrairement à un Allemagne, tu sors pas d'Allemagne, tu sors pas d'Espagne, tu sors pas de Brésil. Mais j'ai envie de dire, t'es passé devant des pays qui les ont sortis, donc ça t'enlève rien. Moi j'ai trouvé, contrairement à ce que beaucoup ont dit, que moi j'ai pris du plaisir à regarder le jeu de la France, On va en reparler après. Non, voilà, mais même en finale, moi j'ai pris du plaisir parce que je l'ai pas regardé sur le spectacle, parce que moi les jongles et les petits ponts, c'est pas ça qui me fait vibrer devant un match de foot. Donc moi j'ai pris du plaisir, j'ai trouvé la Coupe du Monde, mine de rien, pas si nulle que ça, comparé à, ou du moins pas plus mauvaise que les années passées. Quand t'as un Arabie Saoudite Tunisie, bah ouais, t'as le même match pourri, mais tu les as. Un quoi? Un Arabie Saoudite Tunisie. Ah ouais, Tunisie. C'est parti en Tunisie. Les matchs ont aussi pété 4 ans avant, ou ils seront aussi pétés dans 4 ans, donc il n'y a pas de surprise. Après, moi j'ai trouvé quand même la Coupe du Monde était sympathique à voir. On a vu beaucoup de buts, hein, dans les mêmes ordres de grandeur que ce qui se passe chaque année. Le spectacle était au rendez-vous, les scénarios étaient au rendez-vous, les grosses équipes étaient pas au rendez-vous. En termes d'émotion, c'est vrai que c'est, alors on parlera après du jeu, tout ça, mais je trouve qu'en termes d'émotion et de. Même sur des matchs qui me passionnaient pas plus que ça, voilà, un Japon-Belgique, voilà, tu passes de 2-0, 3-2, combien de matchs? J'avais rarement vu ça sur une Coupe du Monde, se sont joués dans les arrêts de jeu. Des victoires, le Espagne-Portugal, de mémoire, les Allemands qui gagnent contre les Suédois, enfin il y en a eu plein. Voilà, la VAR aussi qui est arrivée, donc du coup ça a ramené aussi ce petit côté, des fois suspense, but, pas but. Ouais, mais alors je te le dis de suite, hein, on le fera pas ce soir, on le fera peut-être vendredi. Mmh. Non, mais est-ce que ça va venir en Ligue 1 cette saison? Donc on aura le temps d'y revenir. Qui veut se lancer, tiens, sur parmi les quatre qui restent? Enzo, Cyril? Vas-y, moi déjà je vais comparer 98 et donc 2018. Et attention, instant mauvaise foi, vas-y. Non, entre 17 ans, non, voilà. Alors déjà, la grosse différence qu'il y a eu, pourquoi je me suis moins identifié à 2018, déjà, il n'y avait pas de Bordelais. Alors qu'en 98, il y avait Zizou, il y avait Dugarry, il y avait Lisa. C'était vraiment des mecs qu'on avait l'habitude de voir, qu'on connaissait, même s'ils n'étaient plus à Bordeaux. Ben, Zizou, ça restera toujours un Bordelais, donc voilà. Ensuite de ça, il y avait... Le mondial qu'a fait à chaque match, c'était rempli et on a vécu la Coupe du Monde d'une manière sur les quais, ouais, qui était totalement différente. Il a fallu attendre la finale pour qu'à Bordeaux il y ait un espace, une fan zone pour accueillir les gens. Alors qu'à l'époque c'était tous les jours, il y avait même des étrangers qui je me souviens que quand Bordeaux accueillait, il y avait les Écossais, il y avait les Argentins, il y avait les Croates. C'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et puis bon, bah, en plus de ça, j'avais 17 ans, donc voilà. Donc et puis sur cette Coupe du Monde, t'as pris la première cuite et la dernière cuite de ta vie, je crois, non? J'ai un blackout. Bon, la deuxième parce qu'il y avait la Croatie avant. J'ai un blackout. Je vais pas vous mentir que contrairement à 98, je me souviens de 2018. Alors que 98, je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé après. Donc c'est pas pareil. Non, mais par contre après sur le jeu en lui-même, j'ai vraiment commencé à kiffer à partir de l'Uruguay. Et voilà. Donc et pour le coup, c'est le jeu que j'aime, moi. Donc sauf en finale. Qui, Rémi, les jeunes là, battez-vous. Bon, ouais, Beurre. Non, mais en vrai, c'est beau aussi. Voilà, merci. Alors, en vrai, qui m'a fait rêver prioritairement. Ouais. C'est pas forcément les matchs, parce que bon, les matchs, on le sait tous, c'était pas forcément intéressant. Ce qui était beau, c'est de voir que c'était une vraie équipe, c'était un vrai groupe. Changement de voilà. Balle neuve. En fait, je parlais dans le vide ou quoi? Ouais, c'est pas impossible. Non, ça va, je m'écoute. Non, on est au top cette année. Ce qui m'a fait rêver. Ah. Ça a marchouillé. Vas-y, continue Enzo. Ouais, ce qui m'a fait vraiment plaisir en fait, c'est de voir une équipe, une bande de potes. Et en fait, ça m'a permis en fait de techniquement. Non, ça marche pas. Ça, c'est tout con, mais j'ai eu l'impression en regardant ces joueurs, bah, de voir mes potes et moi quand je les vois se mettre des pichenettes, danser ensemble, jouer et tout. Enfin, ça, je me suis dit, si on avait du talent, on aurait pu y être. Bon, on n'a pas le talent qui va avec, ouais. mais c'était quand même beau. Et après, dans le fond, on parle de jeu, mais on est champion du monde. Après, le jeu, sur le fond, c'est pas important. Et étant donné que je suis aussi supporter de l'Atlético Madrid, le jeu, je suis habitué toute l'année à le voir comme ça. Donc, n'en déplaise à Jade, l'Atlético Madrid est le seul club de Madrid. on est d'accord, merci Enzo. Rémi, un droit de réponse. Sinon, ça fait victoire par KO, là. Non, moi j'étais bourré donc ça va. Moi j'étais très bien. Oui, mais ça te change pas de tes week-ends habituels. Ouais, non, mais moi j'étais très bourré, j'ai fait la gambetta, j'ai un peu vomi, j'étais très bien. J'étais content, j'ai passé une bonne soirée. Tu rigoles, mais j'ai quand même attendu que mes parents me disent qu'on était champion du monde avant de le savoir quand même. Je me rappelle pas de la finale. Parce que vu qu'en 98 j'avais 4 ans, tu vois, donc ça change. Là j'en ai 23, enfin 24. Ah, vache. Donc là ça fait plaisir, tu peux te mettre une murche pour l'équipe de France. Ouais, voilà. Bon, après, tu peux commencer aussi à 4 ans. Mais... Après, t'as quand même des scénarios assez fous. L'Argentine, c'est ce qu'ils sont en train de dire sur le chat. Oui. L'Argentine, il a vibré, que ce soit Mbappé, le but de Pavard. L'Argentine à 2-1, les enfants. Enfin, moi j'étais à 2-1. T'es pas serein, quand même. Qui a cru que la France allait. Moi, je me suis dit à 2-1. Putain de nature, on va se faire niquer. T'es nommé 2-1, mais les Argentins, honnêtement, sont. Ils sont à chier. Non, ils sont nuls, certes. Mais tu sais, des fois, tu te dis juste. Ça va pas aller dans ton sens. La saison des Girondins a été tellement pourrie. Mais on est trop formaté, c'est pour ça. Elle a aussi impacté. Et quand tu vois le 2-1, alors que l'autre il marque un but, il fait même pas exprès son coéquipier qui lui tire sur le talon. Tu te dis, comportement en fait, ce match-là, ça va pas passer. Et puis t'as un but de bâtard, on va le dire comme la Mercado. Chanson. Mercado, insupportable sur le terrain. Ce type. Donc c'était, il y a eu des scénarios. La Belgique, il y a eu son scénario aussi, surtout avec les déclarations derrière. Tu sais, moi j'ai bien aimé. C'est le même principe. C'est interview de Griezmann après le match. Mais arrête Courtois, mais il a joué à l'Atletico et tu crois qu'avec Chelsea je fais le jeu du Barça, tu vois. Il y a ce genre de choses qui t'ont fait aimer. En fait, il y a deux ans, on était frustrés pareil, Marc. On était frustrés pareil, il n'y a pas de souci. Je dis pas que les Belges n'avaient pas le droit de réagir comme ça s'ils avaient le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que putain, ça fait un moment que j'avais pas réussi à m'identifier, à apprécier les joueurs. C'est con, mais 2010 a été une telle désillusion. Le jeu des Girondins depuis 2010, il est tellement pourri. 2012, c'était pas top non plus. T'avais 2014 où t'avais fait sortir en quart et 2016 enfin, mais avec une grosse déception à la clé. T'avais envie de revivre ce genre de choses et franchement, ça faisait du bien. On a commencé par une demoiselle, on va finir par le plus. Ah non, mais non, pas le plus jeune du coup. Non, c'est lui le plus jeune. C'est lui. Par Pavard. Je t'ai senti ému Adrien quand je t'ai eu au téléphone dimanche. Alors, dis pas non. Non, c'est j'avais la voix cassée. Parce que chez la bande Elmas, ils remettaient les buts avant la finale et j'étais avec Louis et on sautait de joie et on criait comme des cons sur chaque but, genre pas le but lui, de l'Australie. Celui c'est Enzo. Mais Louis voilà. Il voit pas les gens. Faisant dire chaque geste que je fais. Ça commence. C'est vrai que c'était beau et je pense que c'est surtout pour la génération qui n'a pas tout à fait connu 98, même s'ils étaient nés, qu'ils avaient la frustration de 2006, de 2016. Et avant la finale, on avait tous le même état d'esprit en disant c'est pas possible que cette fois ça nous échappe. Et voilà. Et enfin, contre la Croatie, ça s'est bien passé. À l'Escure, il y a eu la pluie, il y a eu tout. Il y avait les conditions pour que ça reste mémorable. Après, sur la façon dont l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde, c'était maîtrisé. C'était très maîtrisé quand vous êtes mené que 9 minutes que oui vous... c'est ça, t'es mené qu'une seule fois, c'est contre l'Argentine. Voilà. Donc le seul côté, c'est que c'est très maîtrisé. Je pense qu'on se rendra compte plus tard de l'exploit qu'ils ont fait et de la qualité de la Coupe du Monde qu'ils ont fait parce que La, quand on compare, on a cité l'Allemagne, l'Espagne en disant que c'était des grands champions. Puis on compare les résultats, les matchs qu'ils ont eus. C'était des matchs beaucoup plus âpres, difficiles. Je me rappelle d'un Allemagne-Algérie en 2014 au Brésil. Et même la finale que jouait l'Allemagne. Je crois que c'était l'équipe de France. Le match le moins contrôlé, le moins maîtrisé, c'est la finale. C'est ça. Oui. C'est là où, surtout c'est là où la ils sont submergés par le stress et c'est vraiment ce qui fait que cette impression de pas beau jeu parce que cette finale-là, ils sont bouffés par le trac. C'est ça. Sur la première mi-temps surtout où on s'inquiète, mais ils arrivent à ils arrivent à gagner miraculeusement 2-1, mais c'est miraculeux, c'est un miracle. Là il faut. D'un côté, tu dis super, on a maîtrisé, c'est surtout après, on va réaliser après la grandeur de ce qu'ils ont fait. Mais le petit regret qu'on puisse avoir, paradoxalement, c'est que il y a aucun match où finalement t'as stressé vraiment. La Belgique, t'as stressé, mais tu menais 1-0. Tu stresses la Croatie. Mais t'imagines, désolé, garçon, t'imagines si t'as pas la simulation de Griezmann, tu marques pas le premier but. Oui. Et sur le deuxième, t'as la VAR sur une main. Honnêtement, si tu la cibles contre la France, on est tous. Oh non, là. Mais jamais la main est volontaire. Ouais, mais excuse-moi, on va pas faire le débat de le VAR. Mais honnêtement, ils ont refusé Non, mais ils ont refusé des buts donc sur des pénaux de main comme ça, mais pour 10 fois plus. Mais on le fait pas. Allez, on va voilà. Mettre au téléphone. Non, on s'en fout. Ça fait 10 minutes, on clôt et on continue. On a. T'inquiète, Adrien, tu vas pouvoir. Parler, mais ça fait 5 minutes. T'as fait le monologue de Marc. Calme-toi, Benjamin. Je suis un peu jaloux pour la première. On continue au téléphone. On a Rémi avec nous. Bonsoir, Rémi. Ouais, champion du monde. Putain, t'as vu, on dirait champion, qu'on est mort là. Ça va, Rémi? Champion. Ouais. Vous êtes dans l'analyse là. Moi, je suis dans le supporterisme. Alors, bon, on essaye. Franchement, les commentaires. Tu veux qu'on peut faire une dédicace à tous les auditeurs. On se met à chanter une des deux chansons. Non, on n'est pas obligé. Rémi, pas que vous connaissez. Alors, Rémi, cette coupe du monde. Comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Bah, t'es content, pas content? Match après match, parce que chaque match était important. Un petit peu surpris parce que moi j'étais un petit peu comme les commentateurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a en France, il y a quand même un certain pessimisme en disant la France c'est juste un outsider et pas un favori. Et on a vu quand même que l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil et l'Argentine qui étaient un petit peu les favoris, finalement ils n'étaient pas là. Ils ont personne, aucune de ces quatre équipes n'a vraiment surnagé à aucun moment. Et donc, finalement, par rapport à la Coupe du Monde, moi, ce que je pense, c'était quand même un peu la Coupe du Monde des attaques rapides, entre guillemets, parce que l'Angleterre, ils avaient pas une super équipe, mais ils avaient des joueurs rapides devant, le gars de Manchester City, j'ai oublié son nom. Mais voilà, j'ai l'impression que la France c'est pareil quoi, et c'était un petit peu la Coupe du Monde des équipes de contre entre guillemets, l'Uruguay aussi peut-être. Et voilà, enfin moi je pense qu'on la vole sur la finale. Après, de voir la France et la Croatie en finale, pour moi ça c'est juste que le collectif pour une fois a été récompensé sur les individualités. Le sport, qui est un sport collectif auquel on a inventé le ballon d'or, qui est quand même le trophée le plus pourri de l'histoire du sport, c'est enfin l'équipe, les meilleurs collectifs qui sont allés loin. L'Angleterre c'était aussi un très bon collectif, et la même chose pour la Belgique. Le Brésil qui a tout misé sur Neymar, L'Angleterre c'est curieux quand même. Les Anglais se sont retrouvés aussi, ils se sont retrouvés là un petit peu contre l'Anglais. C'est-à-dire qu'ils avaient dans leur partie de tableau les Espagnols et les Allemands qui se sont viandés complètement. Ils se sont retrouvés là. Les équipes qui avaient basé sur leur collectif, leur Coupe du Monde, ont réussi. Après, il y a des deux cas qui sortent de leur. N'hésite pas à lui arracher le micro. J'ai un truc à dire. Sinon, l'Allemagne et l'Espagne, mais sinon, les équipes qui voulaient passer par le collectif sont passées. N'hésite pas, impose-toi. Il t'inquiète. Oui, ça va. C'est ce que tu disais par rapport à l'Angleterre qui se soit retrouvée. Contre leur gré, ils étaient bien contents d'être deuxième et d'être de ce côté du tableau. Donc, non, Ils ont espéré, ils ont réussi, mais bon, après, c'est sûr que c'est assez... Honnêtement, Rémi, et vous autour de la table, parce que moi, ça m'a... il n'y en a aucun, à un moment donné, dans le match contre le Danemark, qui s'est dit, ah, si on finit deuxième, au final, on évite le Brésil, l'Uruguay, bah non, la Belgique... Non, parce que Croatie, direct... Bon, les Allemands se sont fait sauter en poule. J'ai pas fait les calculs, moi. Moi, ça m'a effleuré. Je te l'ai fait à l'envers parce que déjà j'étais au concert des Guns. Donc, le match de la Belgique, la France, j'avais un peu plus rien à foutre. Et de toute façon, c'était impossible que ce score fasse autre chose qu'un nul. Dans la mesure où le Danemark ne voulait pas perdre, mais ne voulait surtout pas gagner. Parce qu'ils voulaient pas être dans notre partie de tableau. Ils se sont dit, contre la Croatie, pourquoi pas, contre l'Argentine, jamais. Et si on passe l'Argentine, on perd derrière. Là où ils se sont dit, si on bat la Croatie sur un match, parce que ils sont pas passés très loin, hein, de battre la Croatie, ils avaient un boulevard après. Ils pouvaient aller plus loin. Donc, ils se sont dit, il faut surtout pas qu'on soit premier. Et nous, on n'en avait rien à, plus rien à faire. On avait fait jouer les coiffeurs. Donc, ça, tu l'as, t'es passé dessus assez facilement sur un match qui était terne, où la France tire entre 10 et 15 fois dans le match, et où il se passe rien, et où personne n'a envie de se blesser, de se fatiguer, etc. Donc t'as vu un match terne, le pire match, je pense, de la Coupe du Monde. Rémi, Oui. Ouais, bah vas-y, à toi. Non, mais je voulais pas du tout partir sur ça, mais. J'ai dit vachement de trucs, moi. Non, mais non, j'en sais rien. Le troisième match. T'as fait la fête toute, réellement, t'as fait la fête toute. Enfin, moi, vu que j'ai pas fait les calculs, que je savais qui serait devant, derrière, tout ça, je pense que c'était. Enfin, pour moi, c'était un petit peu normal de faire le calcul, justement, de la part de l'équipe de France, de jouer 0-0. Franchement, je vais te dire un truc, supporter, on en a rien à foutre, nous, de tomber contre l'Argentine ou la Croatie. Clairement, nous, ce que clairement, le truc, c'était de passer. Et déjà, tu te disais, tout le monde savait que l'Argentine, il y avait quand même largement moyen. Tu savais que c'était un très bon tirage. La Croatie, ok, ils avaient fait un bon match, mais égoïstement, tu te dis que la Croatie, c'est quand même faisable pour la France. Donc voilà, le seul truc, moi, qui m'embêtait, et finalement, ça a été une erreur, c'est que l'autre partie, il y avait l'Espagne. C'était l'Espagne l'Argentine qui me faisait peur, c'est un moi. Vrai piège quand même. Non, l'Argentine c'est pas un piège. Tu le vois bien que Sampaoli maîtrisait pas du tout son effectif. Mais ils ont 25 attaquants l'Argentine, mais il y en a pas un qui joue ensemble. Ouais, mais Cyril, Rémi, il met le doigt sur un truc et je suis un peu d'accord avec lui. Quand mais t'as si une dans équipe, un bonjour, c'est comme le Portugal ou le Brésil. Il suffit que sur un match, le mec, ce jour-là, comme tu dis, il est nul pendant 3 matchs. Sur ce match-là, le mec est tellement hors norme qu'il peut te crever à lui tout seul. Bon, c'est pas arrivé. Excuse-moi, merci. C'est un peu le meilleur. Le 4-3, il est miraculeux, le 4-3, il est miraculeux pour l'Argentine, soyons clairs. Parce que, honnêtement, qu'ils finissent à 11, déjà, c'est un miracle. Parce que Mascherano et leur défenseur, c'était des pourritures, mais dans tous les sens. Messi, il trouvait personne. Il veut jouer avec personne, Messi. C'est sûrement le joueur le plus orgueilleux qu'il existe sur la planète. Il veut pas jouer avec Dybala. Il veut pas jouer avec Aguero. Il veut pas jouer avec Higuain. Il veut pas jouer avec Dybala. C'est que si Dybala est sur le terrain, ils ont exactement le même poste. Donc ils ne peuvent pas jouer ensemble. Enfin. C'est surtout Dybala qui peut pas. Enfin, à partir du moment où ton poste, c'est celui de Messi. Mais moi, je me mets à la place d'un sélectionneur. Avoir Messi, c'est un vrai problème. Vous rigolez, mais Messi, attendez, tu préfères avoir qui avoir... Messi pouvait avoir. Je préfère avoir Giroud que Messi. Messi peut avoir n'importe quel poste sur le terrain, sur le front de l'attaque. Il peut être ailier, il peut être 10, il peut être 9. Enfin là, c'est un faux problème. C'est juste que Sampaoli n'a pas réussi à composer un collectif. C'est la seule. Quand vous voyez. Non seulement. Mais c'est pas Sampaoli qui compose le collectif de toute façon. Donc après, il n'y a pas de question à se poser. C'était un peu l'équipe à Messi. Lui, il a décidé de jouer là, il joue là. Sans parler, on lui a dit tu vas venir là, tu vas dire toi, tu mets tes chaussettes, toi, tu mets ton short, toi, tu bois, voilà, et puis c'est tout. Et puis, te laisse faire Messi. Mais enfin, c'est un papy ou quoi. Ouais. Non, mais moi, je pense que non seulement il a pas mis un super. Il a pas fait un vrai collectif, mais en plus, pour faire jouer l'équipe autour de Messi, il a pas mis les meilleurs joueurs. Donc, il a mis des mecs qui jouent à Boca Junior ou à River Plate, j'ai oublié leur nom. Mais moi, quand je les ai vus sur le terrain, ils avaient pas le niveau d'un Higuain ou d'un Dybala. Et donc. Voilà, j'ai le sentiment quand même que dans ces cas-là, s'il essaye de faire une équipe mais que ça marche, autant qu'il mette les meilleurs sur le terrain et puis qu'il fasse des coups d'éclat, quoi. Mmh. En tout cas, ils ont mis 3 buts à la France. Et, Adrien, mais, après on passe à. Mais Sampaoli, le problème de Sampaoli, c'est déjà qu'il a fait une Coupe du Monde et même avant, là, sa prise de fonction en Argentine a été mauvaise et qu'on parle du problème Messi, qui n'en est pas un, parce que si t'es un vrai sélectionneur et si t'es bon, mais t'arrives à mettre l'Argentine en finale en 2014, t'arrives à faire des finales de Copa América. Ouais. Mais non, mais tu gagnes pas, mais en 2014, il gagne pas. C'est dommage que j'ai pas ton jingle de minute optimiste qui soit. Non, c'est pas optimiste là. c'est juste que je dis que le problème c'est Sampaoli n'a pas fait un bon groupe, les choix qu'il a fait étaient mauvais et vous voyez la différence Sampaoli, c'est un disciple de Bielsa. Entre Deschamps et Sampaoli, c'est que Sampaoli il a pas mis des joueurs sur le terrain, ou il a pas pris des joueurs soi-disant pour le groupe, et finalement il arrive à construire un groupe qui ne s'entend pas ensemble et qui n'arrive pas à jouer ensemble. Et Deschamps a réussi à créer un vrai collectif. Rémi, tu m'entends ? Oui. Ouais, Rémi, pour conclure rapidement, parce qu'on a d'autres gens derrière qui. C'est Eric, c'est lequel là ? Je pense que c'est le nôtre. Ah ben. Pour conclure. Ben, on verra pour le mercato de Bordeaux. Hein, et puis, espérons que. Ouais, on verra ça, mais. Ça bouge un peu, quoi. Bon, on va pas te mentir, pour l'instant. Pour l'instant, la bougeotte, elle est pas tellement là. Mais. Pour l'instant, c'est juste les bureaux de place. Ça s'excite pas des masses, on va pas se mentir. C'est Florian Thauvin à la Coupe du Monde, quoi. Ça reste sur le banc et ça attend. Ouais, bah. Ouais, mais si ça. Et quand ça rentre, ça fait peur. Mais je préférais que ça soit Rami, tu vois. 4 minutes. Merci Rémi, et puis bah écoute, on va te souhaiter quand même une bonne saison pour cette première. Bah écoute, allez, à bientôt. Merci à toi, puis tu le sais, hein, t'es le bienvenu dans l'émission, y a pas de souci, tu rappelles quand tu veux. Ouais, c'est gentil, salut. Merci Rémi, bonne soirée, ciao. On va continuer, hop là. Si le deuxième auditeur veut nous rappeler, il peut. Alors on ne peut pas prendre deux personnes en même temps, techniquement. On a perdu un micro en plus, donc autant vous dire. Et que c'est un micro est décédé en direct, donc si vous connaissez. Nous a quitté. Merci Enzo. Si vous connaissez la famille du micro. Prévenez-les, les pauvres. Le rouge est mort. Je répète, le rouge est mort. The Red is Dead, pour ceux qui ont des références cinématographiques et qui ont vu La Cité de la Peur. Moi, je suis tout seul, c'est pas grave. Si, on l'a vu, mais. Je tente. Et qui ont plus de 30 ans. Et qui ont. Non. Non, mais alors, le fait que tu n'étais pas né quand le film est sorti t'empêche pas d'avoir une culture. Oui, mais tu sais que j'ai tenu 10 minutes devant le film jusqu'à que ça me. T'es sérieux ? T'es sérieux, mort là, par contre. Et ça m'a cassé le carton rouge. Mais gros carton rouge. Ah ouais. Bah écoutez, moi, c'est pas mon humour. Bon, allez. Bon, si vous voulez, mon humour, c'est plutôt. L'Angleterre, ils sont arrivés là par hasard. Le Belgique n'y a pas été par hasard. Et nous, on y était, mais pas var. Justement, puisqu'il reste 20 minutes et qu'on a un peu le temps, on va mettre les pieds en plein dedans. Il y a eu pas mal de petites polémiques après. Enfin, de polémiques. De petits débats après cette Coupe du Monde. Voilà, la France, ça joue pas ouf. Alors certains disaient, oui, on joue pas bien, mais on gagne. D'autres disaient, ouais, mais bon, est-ce qu'il vaut pas mieux être plus, voilà, être plus d'avant, être plus offensif plutôt que faire ce jeu un petit peu. Où on joue quasi, on mise tout quasiment que sur Mbappé, Griezmann, machin. Moi personnellement, à partir du moment où tu gagnes, ça m'embête un peu de le dire, mais à partir du moment où tu gagnes, qu'est-ce que tu veux dire derrière comme débat ? T'as gagné. Ça veut pas dire que c'est incritiquable. S'il y a des gens qui ont pas aimé du tout ce qu'ils ont vu de la part de l'équipe de France, moi ça me dérange pas, je le comprends. Et franchement, c'est vrai que sur certains matchs. Non, c'était quand même un petit peu agaçant. Je te passe la parole deux secondes. Vas-y. Dégoûter les gens. Ça veut pas forcément dire qu'on a mal joué. La Belgique, ils se ressortent frustrés, mais la Belgique aurait rêvé faire comme nous. Je pense que oui. La Belgique marquait en premier et derrière, ils se reculaient pour contrer. Mais clairement, c'est le jeu. C'est le jeu aujourd'hui moderne. C'est profiter des espaces que t'as et aller chercher de la vitesse. Donc voilà, le débat aujourd'hui, c'est quoi le beau jeu ? Pour moi, le beau jeu aujourd'hui, c'est un échiquier, c'est forcer le mouvement de l'adversaire pour pouvoir bénéficier d'une erreur de sa part. Donc moi je trouve que Deschamps a plutôt bien maîtrisé ça, et contre l'Uruguay et contre la Belgique. Bon, après la Croatie c'est à part. Je trouve que là où il a été très très fort, c'est qu'il a quand même convaincu des joueurs de jouer contre nature. Giroud a joué contre nature. Matuidi a joué contre nature. Je trouve que Pogba a joué contre nature. Moi, Pogba, j'ai enfin vu le vrai Pogba. Enfin, ouais, alors, si tu l'as enfin vu le vrai Pogba, ça veut dire que peut-être pendant 7 ans, il jouait pas vrai. Alors, oui. Alors moi, je pense que complètement. Oui. Alors que moi, je pense que les 7 dernières années, il a joué vrai et que là, pendant la Coupe du Monde, il s'est révélé. Qui pervertisse son jeu et qui continue à jouer comme ça. Alors, deux secondes. Oui. T'avais donc voilà, et juste voilà. Donc pour moi, le beau jeu, c'est ça. Et l'efficacité, ça fait partie du beau jeu. Jade, beau jeu ou efficacité, les deux, pas les deux, tu préfères gagner et être pas top ou t'es un peu comme je sais pas qui a été un peu flamboyant et qui a pas eu forcément des résultats. Je sais pas, hein. Il y a des équipes. Quand je dis flamboyant, attention, quand je dis beau jeu, alors attends, je vais préciser. Quand je dis beau jeu, c'est pas forcément beau jeu dans le sens où ce qu'il faut, c'est dans le sens toujours vouloir aller de l'avant, un peu comme faisaient les Japonais, les Mexicains. Ouais. Voilà. Tu vois, ça veut bien dire que le beau jeu ne sinon t'interromps les dames. C'est une dame. Tu peux pas le quantifier. Demoiselle, pardon. Tu peux pas le quantifier. Tu vois, le beau jeu que tu donnes, si j'écoute Christophe Dugarry tous les jours de l'année, le beau jeu, c'est pas ça. Pour lui, c'est des buts, des gestes techniques, c'est des roulades, etc. C'est pour ça que c'est pas ça, le beau jeu. Mais c'est une notion très subjective. Voilà. De toute façon, du beau jeu, il y a énormément d'équipes qui en ont créé. C'est pas les équipes qui se sont retrouvées dans le dernier carré. Moi, je suis supportrice bordelaise. Donc, tant qu'on a du résultat, on est content. C'est, à défaut de mieux. C'est comme ça. Hein. J'ai appris à vivre avec, et donc j'ai continué avec cette philosophie pendant la Coupe du Monde. Après, le beau jeu est subjectif. Le supporter qui veut analyser, il a aussi. C'est compliqué. Moi, le match de l'Argentine, pour moi, il y avait du beau jeu. Ça a été très tactique, ça a été très. Les Argentins fermaient pas non plus. C'est ça aussi qui, contrairement à l'Uruguay, peut-être où. C'était plus fermé. Les Argentins, ils ont pas du tout fermé le jeu. Ils pouvaient se mettre à deux lignes de cinq et dire on attend. Ben c'est ça. Et puis le beau jeu en fonction d'une équipe de l'adversaire, il est différent. On peut pas produire le même jeu contre la Croatie par exemple qui va libérer des espaces parce qu'ils vont jouer que contre le Danemark qui joue en bus devant ses cages. C'est pas nous qui. Enfin c'est pas une seule équipe qui va faire le beau jeu. Il faut aussi que l'adversaire il trouve son compte aussi. Donc on n'est pas non plus maître total de tout quoi. Donc c'est moi pour moi ils ont gagné, ils ont pas volé leur place et ils ont pas volé leur étoile et je suis bien contente, on est champion du monde. C'est clair. Qui Anzo, tu voulais dire un. Alors moi c'est quoi non pour sortir un peu, enfin pas du sujet mais du sujet jeu, c'est pour revenir un peu à tout ce qui est la Belgique. C'est vraiment quelque chose qui a été sur les réseaux sociaux. Mais moi je vois Lacanau, enfin là où j'habite et là où je travaille. Il doit y en avoir des Belges. Là où il y a, ouais c'est bien, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu beaucoup de Belges. Par contre, on les a eu que le jour du match et la veille. Après le lendemain, on les a pas trouvés avec les maillots. Mais c'était couché. Non, mais c'est pour dire c'est que bon. c'est vraiment quelque chose qui s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Mais je vois la ferveur. Enfin, j'ai passé la finale. Bon, je m'en rappelle pas tellement, mais je sais que je l'ai passé avec des Allemands et on fêtait ça. Les Belges, ils venaient devant. Attends, fêtaient quoi avec les Allemands? Ils se sont fait sortir en poule comme. Mais c'est pas grave. On était tous dans l'euphorie. Ils étaient contents parce qu'ils étaient en France. Alors ils étaient contents. Mais je vois là, les Belges quand ils passaient devant la boutique. Ils rigolaient, on avait fait des affiches parce qu'on vendait frites, ou on avait mis des trucs frites françaises, pas frites belges, des trucs comme ça, des trucs à la con. Mais il y avait vraiment une réelle euphorie, et même si c'est vite disparu le lendemain, c'est faux le fait de dire qu'il y a eu des embrouilles entre les pays. C'est vraiment quelque chose qui a été sur les réseaux sociaux. Parce bah, peut-être entre vrai, joueurs c'est... sur le terrain ou après oui, le match voilà, dans les c'est, déclarations. C'est parce normal, que les mecs sont on frustrés, était, les, c'est normal. On était le premier à faire. Mecs. On était les premiers à le oui, faire aussi en 2006. Ceci dit, le France-Belgique, t'en as 4 qui jouent à Chelsea, 4 qui jouent au machin, 4 qui jouent à... Oui, mais ce qu'il faut noter surtout, et c'est la complexité... Vous notez le gars qui a fait sa petite pub, donc vous pouvez manger des voilà. Frites belges et pas français. Et français c'est où la cano? Quel... non, il faut dans le jeu français, ce qu'il faut faire, c'est que c'est un jeu, c'est plus complexe que dire on va défendre et on va faire des contres. Non, c'est pas ça. C'est pas par exemple le jeu qu'a fait la Belgique contre le Brésil, parce que la Belgique contre le Brésil, ils ont que 3 frappes. Alors que contre la Belgique, bon, on a plus de frappes que la Belgique, on a plus d'occasions. Et finalement, des jeux dans le contre, on en a pas mis tellement, on a dû en mettre 2 et on va obtenir le penalty de Mbappé contre l'Argentine. Et en fait, on est dans un autre style de jeu qui incite à ce que l'adversaire vienne haut sur le terrain. Mais derrière, toi, t'as le ballon un peu plus bas et tu vas vite relancer vers l'avant avec des passes rapides et, ou des transversales. Ou le, par exemple, le troisième but qu'on te met contre la Croatie, où c'est une touche qu'on a. Et y a plusieurs petits duels, mais qu'on remporte tous. Et il y a un long transversal de Pogba sur Mbappé. Ce n'est pas un compte, vu que c'est toi qui as le ballon. Mais c'est un grand ballon qui permet d'aller vite vers l'avant. Et contre l'Argentine, on fait pas 10 000 pas sur le terrain. On prend des risques dans certaines passes. Ce qui manque à certaines équipes comme l'Allemagne ou l'Espagne, qui basent sur un jeu où on va faire le plus de passes possible pour trouver l'ouverture. Pour moi, l'Allemagne et l'Espagne, c'est une question de fin de cycle. Mais c'est des trucs de possession, d'attaque rapide. Mais tu prends, t'as des trucs des fois où t'as quand même eu de la réussite. Tu prends le deuxième but contre la Croatie, c'est dégagement de Lloris qui rebondit sur la tête du défenseur, ça fait corner. C'est ça. Tu vas pas me dire que c'est maîtrisé, mais, ça. Mais t'as eu. Mais t'as eu. La chance du champion. Mais t'as eu de la réussite, mais t'as pas eu une réussite qui était. Tellement qui était insultante pour l'adversaire en disant bah ils ont eu vraiment beaucoup de chance. Quand je vois les Croates ou les Belges, les Croates, l'entraîneur croate qui dit ouais on n'a pas perdu contre meilleur que nous, la France a juste eu plus de chance. Mais regarde la seconde mi-temps que tu fais. Les Croates, ils passent trois matchs par le petit trou du petit trou. Regarde la seconde mi-temps que tu fais. On cadre plus de tirs qu'eux. Ils cadrent que trois fois, nous six fois. En seconde mi-temps, forcément, physiquement, on était un peu mieux. La rentrée de Nzonzi change aussi. Ah oui, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Mais tu vois, pour moi, c'est le fait de match. C'est peut-être la meilleure action de Deschamps et d'avoir remis Giroud aussi dans l'axe après le match contre l'Australie. Mais c'est peut-être là où on a vu qu'il a quand même une vision du foot. Il a vu qu'il avait besoin de remettre un petit peu de hauteur au milieu du terrain, parce que la Croatie avait bien compris qu'en passant au sol avec N'Golo Kanté, ils auraient du mal. Ils se sont mis à jouer au-dessus de lui, à jouer... comment il s'appelle l'attaquant? Je vais dire une connerie sur Mandzukic. À la tête, et de jouer sur ses déviations et d'être après au second ballon là où on n'arrive pas à se positionner. Il a compris, il a changé ça. Ça nous a fait énormément de bien. Après, tu dis, on a beaucoup de chance parce qu'il rate sa tête, par exemple, sur le dégagement de Lloris, sur le but. Je sais que c'est pas ça que tu dis, mais on a de la réussite, certes, mais en fait, la France, moi, si je dois les qualifier sur cette Coupe du Monde, c'est juste que c'est des tueurs. Dès que tu faisais une erreur, t'étais sanctionné. On dit souvent sur les matchs de Ligue des Champions, quand tu as le petit qui joue contre le gros, ah, mais le petit, quand même, il fait un bon match, il perd de pas grand chose. Ouais, mais il a fait 2-3 erreurs qui, à ce niveau-là, pardonnent pas. Et ben, la France, elle a été pire qu'un bourreau. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait une erreur, tu prenais un pion. À chaque fois. Il y a eu des buts, typiquement, le but de Pavard, c'est même pas une erreur de l'Argentine, c'est juste un but venu de nulle part. Mais les trois quarts du temps, tu étais sanctionné à chaque fois. C'est Pavard qui vient de nulle part. Oui. Mais. Non, mais il y en a un qui a... Autant pour moi, j'ai tendu le bâton. Il y a des journalistes qui ont très bien résumé le jeu de la France. Un qui disait c'est une équipe solide et qui est faite en fait pour briller par moment, une sorte de flash où on va avoir un surplus de jeu, on va marquer des buts. Et finalement aussi, on dit que la France n'a pas bien joué. Mais parce que la France, sur certains matchs contre la Belgique ou tout ça, et comme on marquait en premier, on n'avait pas besoin d'avoir le ballon. Quand on joue le score au bout de 5 minutes, on n'a pas joué contre d'équipes regroupées à partir des huitièmes. Non, avant. C'est pas contre la Belgique que tu ouvres le score au bout de 51. Ou l'Uruguay, je sais plus. Non. À la fin de la victoire, il a fallu qu'il se parfume une petite scie pour. Ah oui, c'est vrai, c'est un problème. Non, mais par contre, tu vois, je suis désolé, je t'ai piqué le micro et en plus, je te pique le temps de parole. Sur cette compétition. Il a largement dépassé. Ouais, mais là, ça fait 10 minutes qu'il vous fait des mots. Je vais tenir les comptes parce que là, il n'y a plus la pause pour oublier ce qu'on a dit avant. Ah bon? Je vais tenir un chronomètre pour chacun. Non, mais si tu regardes quand même cette équipe de France, au-delà du fait qu'elle fasse mal, etc., tu prends la Belgique, on n'est juste pas la possession. Parce que tout le reste, c'est nous qui l'avons. Le nombre de buts, le nombre de tirs, le nombre de corners, enfin. Aujourd'hui, c'est fini ce football de possession, ce football qui brillait aux alentours des années 2010. C'est ce qui a fait à Bordeaux être champion de France en 2009. C'est ce qui a rendu l'Allemagne et l'Espagne si fortes à un moment donné. Mais tu as l'impression... Il y a aucune équipe avec la possession qui a brillé, aucune. Ouais, les individus et la possession, le football a changé, c'est ce que disait Cyril. Maintenant, c'est quand même avoir des espaces, jouer sur la vivacité. Les équipes sont beaucoup plus physiques. Mais pour moi, cette Coupe du Monde, elle a l'image d'un joueur français. Pour moi, l'équipe de France, elle a l'image de Griezmann, c'est-à-dire très juste techniquement. Entre les lignes en permanence, toujours à gratter des ballons. Sur Messi, il allait récupérer des ballons à l'entrée de la surface. Il y a une réaction qu'il a, qu'on voit sur le reportage, qui était moins bien que les yeux dans les bleus, mais qui était quand même pas trop mal. Où il dit putain, un but sur coup de pied arrêté, après tu blâmes, tu fermes, je kiffe ça, le jeu. C'est ce qu'il fait toute l'année, c'est ce qu'il fait toute l'année, etc. Mais au final, la France, elle a été là. C'était de la hargne, du collectif, de la solidarité, de la justesse technique. Parce que je suis désolé, on peut prendre Bordeaux, on leur demande de faire ce que l'équipe de France a fait. Et ben, on est sûr de pas y arriver. Cyril, et après, on conclura les dernières minutes. Pour moi, ce qui fait vraiment le football moderne sur cette Coupe du Monde, ce qui en est ressorti pour moi, c'est Southgate, c'est quand même le mec qui est parti 2 mois aux États-Unis en NBA pour voir comment ils arrivaient à créer de l'espace dans les raquettes pour pouvoir. Voilà, mais tu rigoles, mais c'est typiquement des. Aujourd'hui, comment tu arrives à faire sortir ton équipe, à l'équipe adverse pour aller le prendre dans le dos. Aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment de la tactique, mais pas au mètre près, mais quasiment. Et aujourd'hui, Southgate, il a réussi à le faire sur les coups de pied arrêtés. On se rend compte que la France a été ultra performante sur les coups de pied arrêtés. On met la majorité de nos buts en phase finale sur coup de pied arrêté. Donc c'est hyper important. Et Varane, Umtiti, penalty, comment on appelle ça, le contre son camp de Mandzukic. Bah déjà ça t'en fait 4. Ouais. Et t'as le penalty. Le penalty contre l'Argentine. Il y a un truc, ça fait longtemps personnellement. Cyril, peut-être tu me contrediras, mais juste, je finis là-dessus. Ah pardon. C'est juste que aujourd'hui, la notion de d'espace, de gestion, d'attirer l'adversaire pour pouvoir aller le prendre dans le dos, c'est quelque chose qui est primordial et c'est vraiment ce qui ressort de cette Coupe du Monde. C'est vraiment la mise en échec de l'adversaire et c'est pas forcément être meilleur que l'adversaire, c'est le pousser à faire une erreur et pour moi c'est vraiment ce qui est ressorti de cette Coupe du Monde. Et surtout moi c'est la première fois depuis très longtemps que je vois une équipe de France qui est à peu près complète et à un bon niveau dans quasiment tous les secteurs de jeu. Tu l'as souligné sur les coups de pied arrêtés avec Mbappé, Dembélé dans une moindre mesure, Griezmann, t'es performant aussi sur les contre-attaques. Alors ça conclut pas toujours, mais tu sais quand même faire, tu sais faire sur les coups de pied arrêtés, tu sais faire défendre en souffrant comme un chien pendant 20 minutes, tu sais faire. On est complet dans quasiment tous les secteurs de jeu. On est devenu aussi, comme tu disais tout à l'heure, on est capable de crever une équipe sur deux contre, deux trucs et les Argentins et les, comment s'appelle-t-il, et les Croates, tu les crèves sur ça. Hein. Tu mènes 2-1 contre la Croatie sur deux éclairs, tu les crèves quoi. Oui, mais c'est pas des contres. Non mais je parle pas de contres, je parle du côté tueur. On l'a suffisamment reproché. Rappelez-vous, pour les plus jeunes. Il y a quelques années, les Français, on était les naïfs de du monde. C'est-à-dire qu'on faisait le beau jeu, le machin, puis on se faisait crever par les Allemands ou qu'il y avait deux occasions dans le match. Ça me faisait penser à ça. À la fin de cette Coupe du Monde, c'est ce que je me suis dit. Avant, il y avait l'Italie, le Catenaccio. Voilà. Après, il y a eu les Allemands. C'est le foot, c'est un sport qui joue à 11 et c'est les Allemands qui gagnent. C'est ça. Mais parce qu'ils te faisaient la même. Mais Allemands, t'as l'impression aujourd'hui que les Français, c'est devenu un peu comme au handball, les experts. France-Allemagne 82, c'est ça. Tu les crèves, tu mènes 3-1, on les défonce. Les mecs. France-Italie 2006. Voilà, pareil. Tout le monde l'a connu. France-Italie 2006. Tu les démontes. Oui, là Italiens. Pour le coup, tout le monde était plus ou moins. Qu'est-ce qu'il y a? On ne parle pas de ça. Alors Rémi, il y a des choses, il y a des blessures qui ne sont pas fermées. J'avais 10 ans, j'ai pleuré sur France Bulgarie. Me dis pas que t'as pleuré sur France. Moi, tu me mets encore les images, je pleure. C'est pourquoi? Parce que Zidane fait un coup de boule que Buffon sort, et après il remet un coup de boule ce matin, et là il sort. Et là, ça, je me rappellerai toute ma vie, tu vois. J'ai pleuré devant la télé. J'avais peut-être 13 ans. C'est mignon. Ah, j'ai chialé, j'étais dégoûté. J'ai jamais chialé sur les matchs de foot quand vous êtes forts les gars. Ah, mais là c'était plus que du foot. Nos parents avaient France-Allemagne. C'était Zizou, c'était son dernier match. Je te défie, Marc, à 10 ans devant France-Bulgarie de pas chialer. Et puis en plus, mon voisin était rital, alors je pouvais pas le saquer. C'était encore pire. On va conclure. Il reste parfait. Il reste 6 minutes avant de conclure sur l'équipe de France et de passer à la préparation des Girondins. On va continuer. Eric, t'appelles quand tu veux, hein. Plutôt de m'envoyer. Enzo, des photos où tu passes pour le papa de Hernandez. Ça, c'est quand même la petite info girondine. C'est-à-dire, entre les drapeaux girondins qu'il y avait derrière les buts de la Coupe du Monde. Closer, ils ont été magnifiques. Closer qui nous ont sorti que Eric, qui est le père de papa. D'ailleurs, il va être papy. Hernandez. Il va être papy. Ça vend du rêve. On va continuer. Il reste parfait. 5-6 minutes avant de passer à la suite. On accueille au téléphone Enzo. Tu m'as dit c'est tard, c'est ça? Salut tard. Allô. Oui. Une fois, deux fois. Tard. Je suis sûr qu'il savait pas que l'émission commençait par Paris-Bordeaux-Le-Mans. Commençait à 20h. Salut tard. Salut. Bon tard. Comment ça va? Champion du monde ou pas? Oh putain, écoute-moi, j'ai entendu des conneries à l'antenne. Eh ben parfait. C'était Adrien qui parlait. Ça, c'est Adrien, voilà. Tard. J'ai entendu des conneries et il paraît qu'on a maîtrisé le mondial. Eh ben t'as 5 minutes. Pas le maîtriser, alors. T'as 5 minutes, vas-y, fais-toi plaisir. Ah ben je me lâche un peu. Moi qui ai connu 98, parce qu'apparemment, vous, là, il n'y en a pas une qui l'a connu. Il y en a deux. Excuse-nous d'être encore jeune. Hein. Oui, jeune et en bonne santé, vivant, etc. Des fois, tu sais, je vais te dire. On peut pas être et avoir été. Hein. Il y a ça, je voulais simplement dire que 98, quand on, comparé à 2018, il y a une ferveur. Juste, t'es en train de manger des chips là ou quoi? Non, je suis en train d'arranger un peu là. Arrête s'il te plaît, parce que ça fait de la friture sur la ligne. Non, s'il te plaît. Ouais, excuse. Pitié. Je voulais simplement dire qu'en 98, il y a une ferveur. Mais alors, spontanée des gens, tout le monde s'embrassait et tout. Là, il y a eu, enfin, je sais pas à Bordeaux comment ça s'est passé. Ici, dans le midi, il y a eu une forme de retenue, je sais pas comment je peux t'appeler ça. Ça n'a rien à voir à 98. Écoute, moi j'ai passé ma soirée avec une famille qui venait de Blaye qu'on connaît pas, qui nous a suivi toute la soirée. On s'est éclaté, c'était énorme. La mère, elle a été rassurée de suivre un couple de jeunes qui savaient où aller parce qu'elle était tellement affolée avec ses deux filles d'aller voir les branques. J'ai chanté, j'ai fait des câlins à tout le monde. On est monté sur les tables dans les bars à faire les cons, à chanter avec les gens. Moi, il manquait juste un mégaphone. Hein. Sinon, on aurait. Et là, il a 3 plaintes pour harcèlement depuis. Pour agression. Et même pas, c'est quoi? Même, j'ai croisé Shakira à Bordeaux. Non, c'était fou. Je pense qu'il y a un truc, mes voisins m'ont fait les mêmes remarques. Mais il y a un truc que vous avez pas et que nous on a. C'est ce que je disais aussi à Cyril il y a une semaine. C'est que vous regardez ça avec l'œil de personnes qui ont mûri de 20 ans. Et quand tu as mûri de 20 ans, tu n'as plus la même conception des choses. Et en plus, vous avez, c'était il y a 20 ans, donc. Comme c'est surtout tout, je travaille le lendemain matin. Oui, mais comme tout souvenir, vous avez un souvenir qui s'est transformé avec le temps et qui peut paraître plus ou moins beau. Non mais je t'explique, c'est comme les gens qui t'ont. Non mais c'est comme les gens qui ont dit que en 98 il n'y avait pas eu d'affrontement, qu'il n'y avait pas eu de casse, etc., et que c'était mieux avant. Il y a eu exactement les mêmes choses et l'intensité était la même. À la différence que peut-être qu'elle peut être moins forte cette année parce qu'en face c'était pas le Brésil. Mais Marc, rassure-toi, dans 20 ans, dans 20 ans, on aura comme tu dis les trucs. Oh là là, c'était ouf. Et ça a été la Coupe du Monde d'une génération en 98, c'était la Coupe du Monde de la génération de Platini, de ceux qui avaient cru la gagner et qui l'ont jamais vu. Et ben cette année, ça a été la Coupe du Monde en 98. Platini, ça faisait longtemps qu'il jouait plus. Je refais. En 98, ça a été la Coupe du Monde de ceux qui étaient jeunes sous Platini et qui y ont cru à chaque fois, qui n'ont pas vu et qui avaient la déception, en plus de ceux qui avaient 20 ans. Là, ben c'est la Coupe du Monde de ceux qui étaient trop jeunes en 98, qui ont connu les déceptions de 2006, qui ont connu 2016, et qui la vivent différemment, et on la vit en plus différemment. Le football n'est pas les mêmes, on l'a vu avec les réseaux sociaux, on a vu beaucoup plus de choses de l'intérieur. C'était différent et les gens l'ont pas vécu, mais tu as un souvenir. Dis-toi aussi que tu as un souvenir qui n'est plus la réalité. Avant de conclure, parce qu'il reste 2 minutes, avant de conclure sur l'équipe de France et après de passer à autre chose, Tar, si t'avais. Allez, on va parler que de la France parce qu'il reste que 2 minutes. Sur toute cette compétition, on en a un petit peu parlé tout à l'heure de Pogba entre autres, est-ce qu'il y a un joueur, ou deux, ou peut-être même Deschamps, qui pour toi, t'attendais pas franchement grand chose de lui à cette Coupe du Monde, je parle de la France, hein. Et puis t'as été plutôt soit surpris, soit déçu. Allez, je te laisse le choix. Bah écoute, moi pour moi, c'est personnel. Vraiment, je trouve que Mbappé m'a vraiment surpris. C'est peut-être pas un scoop. Mbappé, il a ramassé tout ce que Neymar n'a pas su prendre. Mais compte tenu de son âge, je suis un peu aussi d'accord avec Tar. Quand c'est ta première Coupe du Monde, que t'as 19 ans, qu'il y a un an et demi, tu passais ton bac et tu faisais une finale de Gambardella. D'accord, mais avec le talent que t'as, c'est normal que tu fournisses ce que t'as fourni. Oui. Non, les gars, faut pas oublier que une semaine ou deux avant, il s'est fait ramasser dans une émission que je ne citerai pas. bien, quoi. D'ailleurs, que ce soit lui ou Pogba, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que ce jeune, il a 19 ans, ne l'oublions pas, et que quand même, il te met des buts, tu vois, il est toujours là, même si le premier, là, à l'arrache, celui de face aux Croates, et il est beau, et il est toujours dans les bons coups. Moi, personnellement... Mais Deschamps, il a raison de le remettre en place. Ah oui. Moi, oui. Je pense que... Parce que des fois, il se perd un peu sur le terrain. Oui, mais j'entends bien. Si tu fais déjà la provocation, tout ça, je pense que ça, c'est de trop. Mais ceci étant précisé, je reviens dessus, il a 19 ans, le minot. Et je trouve que c'est l'humilité n'a pas d'âge. Hein? Si, l'humilité n'a pas d'âge. Ouais, mais quand t'as 19 ans, Cyril, à 19 ans, t'étais pas un peu arrogant et un peu au tête de moi, j'ai pas le talent Mbappé. Regardez-le déjà maintenant. Tu te doutes qu'à 19 ans, il était arrogant, tout ce qui va avec. Mais tu commences un peu à me connaître. Tu sais que c'est moi, quand t'es un mec qui me plaît pas, je le dis. Il a énormément de talent, Mbappé, ça en convient tous. Mais des fois, jouer plus simple, c'est jouer mieux. Je te vois arriver, c'est contre les Belges et tout ça. Ah, mais contre les Belges et contre l'Uruguay, mais il me supporte. Là, pour moi, il a fait le con. Mais ceci étant, à la finale, il était là. Aussi bien lui que Pogba, ils auraient pu lâcher prise. Pour clore votre débat, comme l'a très bien dit Deschamps, oui, attention, parce que la prochaine fois, il va se faire casser la jambe. Oui, c'est ça. C'est qu'il faudrait pas qu'il devienne un petit peu la cible, un peu comme l'est devenu Neymar. Il a 19 ans, c'est quand même logique. Comme devient un peu la cible sur les prochains matchs des adversaires. Il est trop intelligent. Rappelez-vous ce que je vous dis, il est trop intelligent, il anticipe parce que c'est un avance, c'est un offensif, il est tacle, il va arriver, hein. Il n'est pas con. Chiquelos va arriver par derrière. Il a raison. Zizou avait. Alors, je ne fais pas de comparaison, mais c'est parce que c'est l'exemple qui me vient tout de suite. Rappelez-vous de Zidane. Zidane, c'est très peu, même Giresse, c'est très peu blessé dans sa carrière. Pourquoi? Parce que les mecs voient une seconde avant ce qui va se passer, ça te permet d'anticiper. Et justement, de pas toujours te retrouver. Mais aujourd'hui, t'as un gars comme Griezmann qui a les capacités, pas de faire du Mbappé, mais il pourrait faire du beaucoup plus spectaculaire, entre guillemets. Il a quand même la sagesse aujourd'hui de savoir gérer une attaque rapide, de gérer des temps faibles. Il sait accélérer quand il faut, il sait être humble quand il faut. Aujourd'hui, il aurait pu. Alors moi, tu vois, je mettrais un bémol. Sur Griezmann, tu vois, parce que moi, j'ai entendu le début de l'émission, après, j'ai pas pu tout l'écouter. Moi, Griezmann, pour moi, il a fait un mondial transparent du début jusqu'à la fin. Je veux pas te laisser dire ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs Français, ça, tout du monde. La différence, c'est que j'assume. Moi, j'assume. Si tu parles du but qu'il met contre l'Uruguay, que c'est Marcel Gol, je vais te dire, comment tu l'appelles, le Belge, là. Hazard, il a fait un super match. Hazard a fait un très bon mondial. Oui. En tant que numéro 10. Non, mais on ne parle pas de la même chose, tous les deux. Giresse, quand il jouait, c'était le manomètre. Ce que je disais par là, c'est que Griezmann, quand je suis transparent, je suis un peu dur, mais c'est volontaire. Hein. Mais tu parles peut-être offensivement, oui, t'as déçu, mais défensivement... Hazard, il a fait un super mondial. Mais Hazard, on dit, il fait un meilleur mondial offensivement. Non, mais défensivement, pourquoi la Belgique a eu des difficultés? C'est le même poste. Oui, mais Griezmann, défensivement, il est tel défensivement dans le savoir gérer les périodes du match et tout ça. T'inquiète pas, il y a pourquoi pour ça. Oui, mais Griezmann est au-dessus. Bien, messieurs, 21h03, on va passer à la suite. Parce que émission raccourcie, donc. Tu peux nous permettre de faire juste un petit tour de table pour savoir le joueur qu'on retient de la Coupe du Monde? Alors, un tour de table, on commence par Tar au téléphone. Mbappé. Enzo, t'inquiète, je t'ai vu. De quoi? J'ai pas entendu. Le joueur que tu retiens de cette Coupe du Monde, français. Qui m'a fait rêver? Non, celui, pas forcément. Que je retiens, Pogba. J'ai vu un autre Pogba. Pour être dans la contradiction, Griezmann, parce que c'est un vrai patron. Et on réagit pas sur les noms. Griezmann, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais quoi, Rami, ça me fait vraiment chier que ça soit Marseille, parce que je vais être obligé de le détester. Je vais être obligé. On ne réagit pas. Le mec, c'est un comportement. Moi, Kanté, parce que si on parle aussi de Pogba qui s'est révélé, c'est aussi grâce à lui. Et puis voilà, si sans toutes ces récupérations de balles, on n'en serait pas là non plus. C'est juste, je crois que la demoiselle là. Jade. C'est juste, j'avais oublié. C'est la nouvelle voix de Marc. Il s'est fait opérer. Excuse-moi alors. J'ai gagné des cheveux. Mais je suis vachement plus beau quand même. Non, c'est vrai, non, c'est moi le marque. Oui, non, c'est Jade. C'est Jade. C'est vrai, sérieux, j'ai la même voix. Non, mais je vais parler comme ça. C'est vrai, j'ai oublié Kanté. Excuse-moi. C'est à la limite, tu vois, je reviens sur mes propos. Il y a Mbappé et lui, là, Kanté. Franchement, je l'ai oublié, c'est inoublié. Rémi. Et moi, je dirais Varane, taille patron. J'allais le dire aussi. Attends, Varane, écoute. J'allais le dire aussi. Comme ça. Mais là, tu me copies, mais c'est. Je suis toute l'année au Real de Madrid et je suis pas au top. Moi, c'est pas au top. Moi, les deux. Non, moi. Je le regarde, je suis pas au top. Tellement il était des fois, comment t'expliquer, évitable. Non, il a fait un bon mondial, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je veux avoir le comment te dire dans un an ou deux qui sont comme ça c'est le top. Voilà. Les deux pour moi les deux qui étaient vraiment au-dessus équipe de France vous les avez dit juste avant c'est ceux que je pensais Kanté et Varane. Varane je mettrais un peu plus Varane parce que honnêtement la saison qu'il fait et l'assurance qu'il dégage à seulement 26 ans. Franchement pour moi je suis aujourd'hui électeur du Ballon d'Or, c'est un des deux qui le mérite. J'ai oublié, autant pour moi, elle me l'a fait bien de me le rappeler. Non, j'ai oublié N'Golo Kanté, là, il est super. Jade. Désolé, les gars. Jade, pour conclure, et après, on passe à la suite. Non, voilà. C'était simplement pour rebondir sur Varane, effectivement. C'est là où on a compris aussi qu'au Real Madrid, parce que j'ai envie d'en parler, parce qu'on a parlé de l'Atlético tout à l'heure. On a bien compris que on demande souvent à Varane de faire du Ramos, mais Ramos c'est Ramos, Varane c'est Varane, et ils sont très bien chacun l'un à côté de l'autre. Donc Non, mais Ramos mérite juste des baffes, mais sinon après ça va. Allez, et Ramos sans Varane gagne pas. Fili, tu dis trop tard. Stop, trop tard. On a moins de temps, on a moins de temps qu'avant, donc du coup on est obligé de faire plus. Qu'est-ce que c'est cette émission là? Eh ouais, nouveau format, on a. Mais t'inquiète, on aura des émissions une fois dans le mois qui dureront 4 heures, on pourra faire plus large. Je commence à me connaître. Je commence à dire bonjour, tu dis ça y est, c'est fini. Pas de problème. Mais non, mais parce qu'on a des, pour rien vous cacher, on a des gens qui appellent, donc on est obligé de entre guillemets faire un peu vite. D'accord. Pour laisser la place aux gens qui viennent derrière. Ouais, et comme je suis un garçon altruiste de nature, je laisse ma place. Passe décisive dans l'axe. Merci Tahar, on va te souhaiter une bonne soirée et puis merci Tahar. À plus. Ciao Tahar. Au revoir. Bis, ciao. Alors, messieurs et mademoiselles, messieurs, Zo, tu voulais pas faire un truc sur je sais pas quoi, Twitter, machin, tout ça. Marc, micro. Ah. Enzo. Ouais. Si ça concerne l'équipe de France, fais le malin. Non, ça concerne pas l'équipe de France, mais parfait, je peux attendre la fin. Bien, alors, mademoiselles, messieurs, on va, pour terminer l'émission, il reste une grosse vingtaine de minutes, donc on est large. Pour parler et du départ de Malcolm, et du peut-être départ de Pablo, et surtout de notre adversaire. Du jour, vous voulez. Tiens, allez. Collégialement, vous voulez commencer par quoi? Van Pils ou les transferts? Le jeu. La fête. Alors, à la fin. Mais tu vois, donc, Mercato à la fin, donc je vais. Alors, Van Pils. L'Europa League. Alors, Van Pils jeudi. Alors, je sais même pas à quelle heure c'est, 17h, 18h. 17h sur RMC Sport 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6, je sais plus lequel. Futur adversaire d'Angers Girondins, le FK Van Pils. Je vais vous le présenter rapidement parce qu'on va pas se mentir. S'il y en a un qui m'appelle au téléphone ou qui me dit autour de la table, ouais, je connaissais le FK Van Pils. C'est un club fondé en 96. Je vais pas te mentir, je l'avais déjà lu son nom. Avec Clément et Emeric, ça faisait partie des destinations rêvées. Alors, faut préciser pour Jade qui nous voit pour la première fois de sa vie, Cyril ainsi que Marc et Emeric, deux anciens de l'émission, sont fans de tous qui, comment dire. Non, pas Marc, mais il y avait Clément. Si tu veux le Real et le Barça, ça les fait pas rêver. En fait, nous, ce qui nous faisait rêver, c'était justement les tours préliminaires la Coupe de France. Ligue. Ça les fait rêver Moulin, Rouen, l'étape, Azerbaïdjan. Il faut savoir que quand ils font 10 heures de voiture, ils font 10 heures de voiture avec des musiques de merde. Donc il va y avoir du Lori, il va y avoir que des conneries. Lori, c'est hyper commercial. Et encore, c'est trop bien Lori à côté. C'est... Bref, alors que Ginette Renard, ça, c'est du bon. C'est du lourd. Bref, donc le FK 10 minutes dans la voiture. Velpins, club laiton hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. 72 heures de voiture. Quand ça finit par ton, en règle générale, ça n'aurait réussit pas. Ah, depuis, oui, c'est vrai que l'année dernière, ça nous a pas trop. Tu sors. On était sur la joie de la Coupe du Monde. Alors, juste, un petit rappel quand même. Au tour d'avant, ils ont battu. Alors là, je vais essayer de pas me prendre les pieds dans le tapis parce que je vous promets que c'est coton. Le Louftetari Gyroskater, putain. Et alors, je sais pas si on dit terre parce qu'il y a un tréma sur le E, mais on va dire Gyroskater. Ah, c'est sûr, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Ça fait 20 minutes que je veux la placer. Donc, ils ont gagné 5-0 lors du match aller. Je crois qu'il y avait même 5-0 à la mi-temps. Ils ont fait 3-3 au match retour. Ça, c'est pour les résultats. Le Footballa Clubs Ventspils, créé en 96, arrive en première division lettonne 2 ans plus tard. Donc, ils n'ont pas traîné hein, pour monter en première division. Ça veut dire qu'il y a 3 divisions. Oui, ça veut dire. Oui. Ou, pas mal. Ou 2, parce que s'ils ont galéré à monter. Pas mal. T'es bon en maths, toi, non ? 4 ans après sa création, ils connaissent leur première participation à la Coupe de l'UEFA. Seulement 4 ans, en 2000. Ils sont déjà 6 fois champions de Lettonie. C'est leur 22e saison dans l'élite. L'élite lettonne, évidemment. C'est au nord-est de la Lettonie. Ils ont un président, Adlan Chika. Putain. Chikanov. Leur président, il est quand même au cœur de plusieurs soupçons de matchs truqués. Donc, je sais pas si c'est une bonne. C'est possible. Leur meilleure performance, c'est un match nul sur la pelouse du Sporting Portugal en 2009-2010 en Europa League. Donc, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce club? Ils ont un entraîneur qui est yougoslave, Dejan Vukicevic. Après pour avoir des infos sur Ventspils, fallait quand même. Il me semble qu'ils ont un attaquant nigérien qui a marqué 5 buts au match aller. Tout à fait. Adekele Akinyemi. Le match retour. C'est lui qu'il faut marquer. Adekele Akinyemi. C'est lui qu'il faut marquer. Du Real Saphir FC. C'est l'année dernière, c'était aussi un Africain qui est nigérien qui nous avait fait la misère. Et ça sera un danger parce que il fait 1m88, il a 19 ans, donc il est bien. J'ai une photo. Il est bien galère quand même le garçon. Il a inscrit un quadruplé au tour précédent contre les fameux Albanais de Louftera. Le boucher. De... Et il a 18 buts en 36 matchs dans son championnat letton, ce qui est quand même pas dégueu. Le joueur s'estime lui-même capable de jouer pour n'importe quel club, de marquer à n'importe quel moment. Ok, c'est Mazou. C'est bon. On n'a rien à craindre, c'est Mazou. Et pour terminer rapidement, le Ventspils Olympiakos Stadion. Olympiakos. 3200 places, ça pue le traquenard, ça pue la Coupe de France. 3200 places le stade. J'ai une photo du stade. S'il y a du vent, c'est foutu. Hein. S'il y a du vent, c'est mort. Ça peut vraiment être piégeux. Déjà, honnêtement, et sans faire de pessimisme ou de machin, qui craint cette double confrontation? Je parle même pas de jeudi, je parle des deux. Tout le monde craint. Qui vraiment craint? Flippe au point de se dire putain, on peut se faire sortir. Pas moi. Parce que le match retour est quand même à Bordeaux, donc c'est déjà, ce qui te fait dire. Mais je crains au même titre que, tiens, on a parlé de la France, que le France-Croatie. Je t'ai vu, mais t'as déjà beaucoup parlé. Où tu dis, normalement ça devrait le faire, mais il y a eu des cas où pas fait. Donc, S'il vous plaît, par contre, qu'il n'y en ait pas un qui me fasse la comparaison avec Vidéoton, on est d'accord que Vidéoton c'est quand même au-dessus de Ventspils. On sait pas. Ils ont gagné 6-8-0. Non, mais moi, le seul truc, enfin, moi personnellement, j'ai aucune crainte. La seule crainte que j'ai, on va dire, elle est juste. Elle est causée par l'année dernière, c'est tout. Écoute-moi, Marc. C'est juste qu'elle est causée par l'année dernière, par Vidéoton. Mais voilà. Je suis désolé. T'es non. Bordeaux, putain, tu joues contre Ventspils, j'explique. Le problème, c'est que c'est pas que Vidéoton. L'année d'avant. Tu joues avant Vidéoton. Tu passes, mais sur un but de Crivelli, sur un espèce de centre-tir. Non, mais t'avais déjà galéré pour passer. L'année d'après, tu passes plus. Les années d'avant, je me souviens avoir fait la fête comme un con. Marc, je m'en fous du passé. Moi, je te parle de là dans 4 jours. Le passé, on s'en fout. On avait été à l'Escure, on avait fêté ça parce qu'on avait eu un pénalty de Gouffran de manière totalement débile de la part du gardien à la dernière seconde. Fais-toi le rouge de Bergeron. Aujourd'hui. Bordeaux, il n'y a plus un match de Coupe d'Europe où on a été serein sur ces 5 dernières années. Je veux. Et on n'y va plus en Coupe d'Europe. Je suis désolé, on n'est pas capable de gagner un match tout pourrave contre une équipe française qui est dernière du championnat, ou pas capable de gagner un match de Coupe de France. On sait que ça sent le traquenard, on y va. Mais je suis désolé, ce match-là, il sent le traquenard. Alors oui, c'est bien facile de dire on va sûrement gagner, et si je dois parier 100 balles, je les mets sur les Girondins. Sauf que je suis désolé, je flippe un peu. Parce que mercato pas fait, le club on sait toujours pas s'il va être vendu, on sait rien, t'as des joueurs qui sont en plein doute à cause de ça. Hein. Je te rappelle que Costil, il sait toujours pas, il était en deux doigts de se barrer au début du mercato parce que il savait juste pas où le club allait. On sait pas où le club va, le recrutement il est pas fait, l'entraîneur t'as un match, ton dernier match de préparation, t'as Laborde et Depréville sur le banc et tu mets Sankaré dans l'axe en attaque. Marc, c'est quoi le délire? Ça s'appelle des matchs de préparation, ça veut pas dire que tu vas jouer avec Sankaré dans l'axe. Mais quand tu prépares, je sais que tu vas pas mettre Sankaré dans l'axe, mais quand tu prépares prépare. Tu sais pas. Et que tes joueurs, ils ont 4 matchs. Tu sais pas. Et en plus, je sais pas. Et si tu le fais et que ça marche? Parce que c'est quand même l'un des rares qui marque. Et bien, si tu le fais et que ça marche, mais j'applaudirai. Et ben voilà. Mais je te dis juste que... Pourquoi tu gueules? Mais arrêtez de dire qu'on est serein, sérieux. On fait des matchs de préparation contre des équipes qu'on n'arrive pas à gagner. On fait. Je des... te dis pas que je suis serein. Je dis que je me dis pas comme toi à me dire oh là là. Mais non, si tu fais pas les cons, ça passe. La question que tu poses, c'est est-ce que je suis serein? Non, je suis tout sauf confiant parce qu'on est capable de pas gagner ce match. Alors oui, il y a des grandes chances qu'on passe. Je te dis, il y a un 90% pour 10 qu'on passe. Sauf que le problème, c'est que normalement sur ce match-là, je devrais te dire qu'avec la B, ça devrait passer. Sauf qu'aujourd'hui avec la H, je suis même pas sûr que ça passe. Serein, humble quand même. Serein ou pas serein? 50-50. Parce que vu qu'on joue chez eux à l'aller, heureusement qu'on joue chez eux, chez nous au retour. Parce que l'année dernière, j'y pense encore. Quand on est arrivé à dire ça, tu peux juste pas être sûr. Ouais, voilà. Mais après, logiquement, tu dois leur mettre 3-0, puis c'est fini. Mais bon, après, on verra. Non, tu voulais pas lever la main? Ok, très bien. Juste, je tiens à dire quand même que si t'arrives à avoir peur de 20 bah oui, merde, à un moment donné, voilà. le prochain tour, c'est de jouer le seul truc. Le seul truc qui me déplaît, c'est de me dire que t'as quand même. Deux joueurs qui sont importants dans ton équipe qui ont fait la Coupe du Monde, donc Sabali et le Raguer, et que du coup ils seront pas là. Donc ça peut te désorganiser le truc. T'as Malcolm qui part, donc tu peux avoir des incertitudes. T'as Pablo, tu auras peut-être la tête ailleurs. Donc heureusement, tu sais que les matchs amicaux, tu les as fait sans Malcolm, donc tu peux penser qu'il y a quand même eu un travail sans Malcolm. Mais il faut rester humble, il faut travailler. J'espère qu'on saura mettre le bleu de chauffe et pas prendre de haut cette équipe-là. C'est ça. Il faut avoir une équipe sérieuse et surtout un groupe sérieux. On a la structure. On va pas faire l'erreur qu'on a faite l'an dernier, même pour parler après sur la suite, sur le début. Non, mais sur le début de saison, c'est qu'on part pas dans une idée. Je suis même pas sûr qu'on parle de. On va faire le jeu. On va part dans une idée où il faut un groupe solide. On a des jeunes qui ont fait la préparation, qui ont presque joué tous les matchs titulaires avec Tchouaméni et Youssouf. Donc Bobby sur le chat, il résume bien le truc. C'est pas Van Psyl qui fait peur, c'est nous. Mais qui est Bobby? Mais tu fais exprès, Marc? Non, c'est un autre. C'est lui. Non, c'est pas toi. Il a raison, Marc, dans ce qu'il dit. Et c'est souvent en championnat, c'est pareil. Si on perd, ça sera notre faute parce qu'on n'aura pas été à notre niveau. Si on gagne, c'est niveau suffisant. Non, mais au niveau suffisant. Mais il y a de quoi passer. Il faut être sérieux. Et en plus, là, on a le match retour chez nous. Donc voilà. On est tous d'accord. 0-0 jeudi, on sera tous contents. C'est ça. Voilà. Et 0-0 jeudi, on est contents. Tout le monde signe. Rapidement, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, sinon on passe au transfert. Bah après, on va pas se mentir. Non, t'as un petit truc quand même à rajouter. C'est que le club a quand même donné les places gratuites pour les abonnés. Vous pouvez aller prendre vos abonnements si c'est pas encore. Il est, je crois, à 20h30 ou 21h. 20h45 à Bordeaux. Donc il n'y a pas d'excuse, les gens au stade. Oui, tout à fait. Quelque chose à rajouter, Jade? C'est bon, sur Venpils, t'as potassé un peu le dossier? Non. Non, mais en fait, j'ai hâte. Sincèrement, en plus, j'ai hâte de voir ce match parce que je me dis, mais où va-t-on? Et je. Voilà, j'ai besoin de voir pour comprendre. Je crois que ça résume bien la pensée de pas mal de supporters en ce moment qui se disent qu'est-ce qui se passe en dehors de la vente et tout. C'est ça. On va attendre qu'être qualifié en poule pour s'abonner à SFR. Il va se passer un moment. Seb, dis-toi, t'as autant de chance d'avoir Jean-Louis Triaud et les droits quand même. Qu'à nouveau, tu vois. Dis-toi que ça a plus de chances d'avoir Jean-Louis Triaud et les droits qu'une recrue. Non, mais d'ailleurs, c'est bien. Bosse un peu encore. Tu devais brancher ton téléphone, je te rappelle, avec toutes tes sonneries. Le téléphone est là, le câble est là. Faut juste que je fasse le lien entre les deux. juste pour dire, pour revenir sur ce que disait Marc pour 100 carré buteur, je suis persuadé et certain que c'est juste un coup de pression de Poyet pour montrer qu'il lui faut absolument un attaquant, c'est tout. Après, je pense que. Alors. Il va pas mettre 100 carré buteur. Il reste. Et 100 carré buteur après, ça peut fonctionner. Il reste 12 minutes avant la fin de l'émission. Ça passe vachement vite. 12 minutes, donc on va, si tout le monde est d'accord, pour passer à la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est les transferts. Et qui dit transfert? Celui-là, on l'a gardé parce qu'il me plaisait bien. Jingle. Normalement, c'est le bon. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba. Thuram. Non, monsieur, c'est Makelele. Beckenbauer. Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Non, c'est pas du tennis. Ni Tour de France. Ni Tour de France. Oui. Pourtant, au Tour de France, il y en a qui court vite. Bardet restera. Oui, qui court. Oui, c'est ça surtout qu'on comprend pas. C'est que les mecs courent alors qu'on leur demande de pédaler. C'est Froome, il s'est inscrit sur 100 mètres avec le vélo. Avec Usain Bolt. Alors, les transferts. Bon, bah, l'actu chaude, les enfants. Dodos. Un. Bah, ça y est. C'est tombé cet après-midi. En plein milieu pendant la sieste. Les Girondins et la Roma, donc, sont tombés sur un accord de principe pour le transfert de Malcolm à la Roma. On parle. Alors, bon, on va pas s'arrêter sur une somme définitive, mais on va dire un montant à peu près avoisinant les 40 millions bonus compris, hein, grosso modo, on va dire dans cette enveloppe-là. Un petit peu moins. Oui, non, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais pas. C'est-à-dire, oui, non, c'est 38. Non, on s'en fout. C'est, ouais, j'ai dit un petit peu moins. on sait pas exactement, mais c'est pas tout à fait 40. C'est important parce que le club a toujours dit qu'il vendrait pas en dessous de 40. Oui, mais au bout d'un moment, quand t'as pas le choix non plus. Bah, je suis désolé, aujourd'hui, quand tu vois que Diop est vendu 25 millions d'euros, tu peux vendre Malcolm 40. Pour moi, perso, 40, c'est une bonne somme. Trop, c'était exagéré. Tu sais, et moins, c'était. Il y a deux choses. Voilà. Je pense que la non-vente de Malcolm. C'est quand même la plus grosse vente du club de l'histoire. Je pense réellement que la non-vente du Malcolm est en train de ralentir la vente du club. Je pense que M6, avant de vendre le club, veut vendre Malcolm pour récupérer ce qu'ils ont investi. Et peut-être même Pablo s'ils prennent. À ce moment-là, ils avaient qu'à vendre le club 15 millions de plus, hein. Le problème c'est que ça a tout fait flinguer et que donc on n'est pas capable d'attendre que le mercato se lance réellement. Sauf que 15 millions de plus, les Ricains ils les ont pas, Marc. Non mais c'est pas le souci, ils auraient pu le récupérer sur la vente de Malcolm en étant sûr de vendre Malcolm. Ce que je dis juste c'est que M6 voulait être sûr de les récupérer, donc les a récupérés maintenant et a vendu Malcolm quitte à le brader parce que le mercato a pas réellement commencé. On se plaint beaucoup qu'à Bordeaux ça avance pas, il y a très peu de clubs qui ont réellement lancé leur mercato, ça va venir petit à petit. Il y a eu des gros transferts mais ça met quand même du temps, comme après chaque Coupe du Monde a démarré. Ah bah ça hier, va pour ceux qui ont écouté, et nous, on démarre toujours. Pour ceux qui ont écouté l'after hier, c'est à toi que je vous ai envoyé un message. Il y a deux Lyonnais, deux Marseillais qui ont pleuré. Il se passe rien. On n'est pas plus. Non mais à Bordeaux les gars. C'est pas moins dégourdi que les autres. C'est une année de Coupe du Monde. Le problème c'est que les mercato risquent d'être de pire en pire si on rajoute des compétitions internationales tous les ans. Mais bon, voilà, pour l'instant on en est là. On va voir comment ça va se passer. Il fallait que ça se vende pour le club. Maintenant, on voit que au club, ça commence, ils ont fermé Journal TV et compagnie, donc ça sent la vente rapide. Le problème, c'est que le mercato, il finit le 31 août et qu'on va encore se dire en janvier qu'il va falloir qu'on fasse un mercato parce que on n'aura pas fait les choses en amont. Et tu te demandes encore qu'est-ce que fait le club. On est vraiment dans l'amateurisme la plus complète. Jade, qu'est-ce que t'en penses de cette vente de Malcolm à plus ou moins 40 millions? Bon, allez, on va pas chipoter sur. Je crois que c'est 40 millions avec les bonus, mais je sais pas. Je me demande même pas si on aurait. Enfin, si c'est pour ça, si c'est pour attendre. Je m'entends plus. Si c'est pour t'es là, attendre. T'inquiète, t'es là. Si c'est pour attendre de vendre et de pouvoir récupérer leur pognon, dans ces cas-là, fallait le vendre au mercato hivernal. Premièrement, parce que est-ce que vraiment c'est grâce à lui qu'on a réussi à accrocher l'Europe? J'en suis même pas certaine. Voilà. Après, c'est un coup de poker comme ils avaient fait sur Roland, de dire on refuse un peu les offres anglaises parce qu'on peut peut-être en tirer plus après. Bon, au final. Ouais, mais voilà, ça fonctionne pas. Et puis. Le but, c'était justement d'en tirer un maximum pour pouvoir ensuite obtenir d'autres joueurs et vraiment refaire une équipe. Là, je sais même pas ce que ça va donner parce qu'on va il a été bradé. Qu'est-ce qu'on va récupérer derrière, quoi? Bah, surtout que si M6 compte récupérer tout ou une partie de cette somme, ce qui peut se comprendre, je veux dire, avec l'argent qu'ils mettent depuis 20 ans, je pense qu'ils veulent se refaire un petit peu aussi financièrement. Tu fais une grosse cuve, quoi, en gros. Non, c'est pas pareil parce que quand tu vends Gourcuff, quand tu vends Gourcuff, tu sais que l'année d'après t'es encore là. Là, ils savent très bien, comme disait Adrien en rigolant tout à l'heure, dans deux semaines, voire peut-être même avant, ils terminaient. C'est plus leur problème, tu vois. Donc je pense qu'ils veulent partir sur une bonne. Sur du bénéf. C'est normal. Hein. Attends, les gars, pas. Moi, je sais pas si ça vous avait halluciné, si la rumeur est vraie, mais 12 millions pour Pablo, mais je l'amène moi en 208. Ah, hein, mais j'ai vu l'équipe, j'étais choqué. Alors, sérieux. Profitons-en pour brader. Après, voilà, c'est pas non plus une surprise. Malcolm, ça fait 6 mois hein, qu'on sait qu'il doit se barrer. Déjà, cet hiver, c'était chaud bouillant. Maintenant, la question, c'est. Non, c'est pas le prix, je suis désolé. C'est pas le prix, je suis désolé. Aujourd'hui, le prix du marché, c'est pas ça. Quand tu vois que Diop est vendu, un défenseur central de Toulouse, 17e, 18e de Ligue 1, est vendu 25 millions d'euros, tu te dis que Malcolm, qui fait sûrement partie des meilleurs espoirs du championnat de France, vendu moins de 40 millions d'euros. Oui, mais Marc, Cyril, c'est pas le prix. Cyril, peut-être c'est que personne voulait mettre plus. Ah oui. Non, mais le gros problème, il est là, c'est que nous, M6, force à vendre, alors que le marché n'est, enfin, aujourd'hui, le marché n'autorise pas. Attendez, parce que là, je vous connais, je sais dans quoi on va partir là. Me dites pas quand même que vous êtes déçu. Ah non, je te dis pas que je suis déçu. Parce que je suis, par contre, mais l'année dernière, on a refusé des offres à plus de 50 millions l'année dernière. Mais t'en sais rien du tout. Mais bien sûr que si. Il y a un an, on a refusé des offres, notamment de Dortmund, à bonus inclus. À plus de 50 millions. Alors, 40 millions pour un mec qu'on a payé combien? 8 si. 9 Non, tu l'as acheté 15 millions d'euros. Alors, bah, t'es toujours à 3, 25 de bénéfice. Mais non, mais je suis désolé, aujourd'hui, 25 millions dans le football, t'as Diop. Si t'es con. Mais c'est pas si t'es con. C'est la réalité du marché. Il a raison, Cyril. Le transfert de Malcolm est très bizarre parce que tu serais dans un marché correct. Malcolm 40 millions, ok. Mais vous rendez compte qu'on va vendre Malcolm 40 millions. Tu rends compte. Et Pablo 12 millions. Mais c'est ça. Mais je dis, mais profitons-en. Pablo 12 millions. Pablo, il est loin d'être vendu. Pablo, oui, on va y revenir tout à l'heure, Pablo, mais... s'il est vendu à ce prix-là, même s'il est vendu, vu qu'il avait annoncé une première offre à 8 millions, mais 8 millions alors, pour Pablo, un défenseur qui a joué 6 mois. Vu qu'il reste 5 minutes, Pablo, on va régler le truc de suite. Selon notre ami et collègue de Girondin Info, qui confirme le très probable départ de Pablo en Russie pour 12 millions, les Girondins n'étaient pas forcément vendeurs à la base, mais au vu de la volonté du joueur de signer là-bas et le montant du transfert proposé, le club devrait accepter cette offre. Toujours selon Girondin Info, les dirigeants veulent valider la venue d'un défenseur central international expérimenté et ayant évolué dans des gros clubs européens. On va pas s'écharper sur le nom dessus parce qu'on l'aura. Non, Ramy. Non, mais histoire qu'il aille dans un vrai club parce que là où il est, c'est un peu. Lexès. Mathieu. Ramy. Donc, ainsi, le club aurait anticipé pour rester compétitif en défense centrale. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même Paul Bass. Hein. Mais on va pas paniquer dessus. Si Pablo s'en va, moi perso, ça va pas. Si Pablo s'en va, on a 4 défenseurs, même s'il y a des questions sur Lechouk. Ah oui, non, mais tu comptes Lechouk et Johan. T'as Lechouk, t'as Bass, t'as Koundé, ça va, c'est bon. C'est pas des défenseurs titulaires, mais voilà. C'est si tu dois investir, si t'as pas d'argent, mais il faut savoir investir malin. Et encore une fois, le problème, c'est de trouver un joueur qui sera moteur. Ça c'est un vrai problème. Malcolm était un joueur moteur qui pouvait dans certains matchs débloquer une situation et tout ça. Mais il faut pas non plus se dire on n'y arrivera rien. Non, en tout cas Pablo, moi j'y crois pas. Pour moi c'est une rumeur d'agent pour faire monter, pour avoir un meilleur contrat. Tu crois? Ouais. Ben, pour moi ça pue à plein nez la renégociation de contrat. Il lui reste combien de temps à Pablo? Je sais pas, il doit lui rester 2 ans, je crois. Oh. Mais avec les 6 mois qu'il a fait, il veut sûrement une revalorisation salariale. Ouais, c'est surtout ça. Tu fais comme 6 gros mois, donc. Carasso à Galata, c'était quoi le club de Carasso que tous les ans ils revenaient les Turcs là, qui voulaient à chaque fois et qu'on prolongeait et qu'on lui augmentait le salaire? Non, c'était pas Galatasaray, c'était en Carasso. Non, c'était pas où était Anelka là. Antalya Sport, non, c'est pas ça. Je sais pas. Rémi me dit ça. Ouais. Mais ça ressemble tellement à ça. Mais et d'ailleurs, hein, rumeur totalement folle, mais ça se trouve elle est fondée, hein, mais Carasso. Bordeaux a pris contact avec Carasso. Ouais, alors, je veux même pas en parler tellement c'est ridicule. Fin... Mais après, c'est vrai que on voit sur Twitter et tout ça, les supporters ont raison d'être inquiets vu qu'on ne sait pas où on va exactement. Mais il faut savoir que avec l'effectif actuel et pour les missions qu'on a jusqu'à fin août et en attendant de recruter, vu qu'il va falloir recruter et ça viendra forcément, on a les moyens de passer déjà en Coupe d'Europe et de se qualifier avec l'effectif qu'on a. Il faut pas non plus s'alarmer en disant c'est la fin, je vois déjà des Bordeaux en Ligue 2. Non, arrêtez. Arrêtez. C'est comment sont les gens. Regardez, ok, il y a beaucoup de clubs qui investissent. Il y a beaucoup de clubs qui mettent beaucoup d'argent dans des joueurs, même Saint-Etienne qui le casserie avec un salaire de fou. C'est pas sûr qu'ils aient de meilleurs résultats que nous. Ils se mettent plus de chances de leur côté, mais dans notre football, c'est un collectif avant tout. Enzo, allô, ici. Ouais. Il reste 2 minutes. Alors moi je voulais revenir plus rapidement déjà sur de base déjà sur les réseaux sociaux. Donc déjà c'est pour vous remercier à tous d'être présents sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes de plus en plus nombreux à réagir. Non, en vrai c'est non mais en vrai c'est la vérité. On le voit sur les réseaux sociaux, ça bouge de plus en plus d'appels et autres. Ça fait plaisir et ça valorise notre travail qu'on fait au jour oui. Le jour. H24, c'est jour ça. Sur 7, 24h/24. À 6h du matin, il envoie des trucs. Plus ou non, moins. Mais en vrai, enfin, c'est voilà, GA, c'est pas non plus que se mettre autour d'une table et parler. Merci et... surtout au FCGB parce que plus le club va mal. Mieux on se porte, donc. Non, mais en vrai, oui, c'est vrai que c'est plutôt sympa, et même c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup d'interactions autour des réseaux sociaux sur ce qu'on met, sur ce que les gens mettent. Il faut savoir qu'on a Enzo qui maintenant s'occupe des réseaux sociaux, puisqu'avant il y avait personne qui s'en occupait. Donc si vous voulez l'insulter, c'est lui. Voilà. C'est moi. Non, et puis on vous rappelle. Alors, on va vous donner son adresse. On vous rappelle les nouvelles horaires d'émission. Maintenant, c'est 20h, 21h30 tous les lundis et vendredis. À l'exception du premier vendredi de chaque mois pour l'émission qui s'appelle Gérard et que Seb ne cautionne pas du tout. Alors que c'est moi qui l'ai trouvé, je trouve voilà. Ça infect. Mais c'est Girondin Analyse en version plus. C'est quoi le truc qu'on plus avait long, dit plus long, plus court et pas censuré. Voilà. Et toujours plus long, toujours. C'est ça, c'est référence à South Park pour ceux qui l'ont évidemment. Ouais, rarement imité aussi et rarement imité, dépassé. Souvent dépassé. Voilà. Donc voilà, cette émission là du premier vendredi de chaque mois aura lieu de 20h à minuit, le premier vendredi de chaque mois où on fera une émission exceptionnelle et on fera aussi des émissions d'après-match les jours de match si on peut. Donc notamment le vendredi sur des gros matchs qui en valent la peine et si on peut. Non mais ça on vous le garantit pas, on vous informera sur les réseaux sociaux parce que oui, on va faire si ça. Techniquement c'est possible. Bref, oui. Et donc la deuxième chose et après pour revenir on a lancé, pour ceux qui ne savent pas, on a lancé un petit jeu où on se met à la place en fait des. Comme on a fait l'an dernier. Voilà, on l'a fait l'année dernière, mais on avait fait ça plutôt restreint. On l'avait fait plus entre nous. Il y avait juste une ou deux personnes qui s'étaient prêtées au jeu, mais pas vraiment plus. Donc le principe en fait, c'est d'être à la place des décisionnaires des Girondins et en fait d'imaginer le mercato. On va pas dire de vos rêves parce qu'on est quand même aux Girondins, faut pas non plus abuser. Mais le mercato que vous désiriez voir pour les Girondins. Et en fait, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Non, on rentre pas dans les détails. Après, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis sur Twitter et sur Facebook les publications qui expliquent tout ça en tête de épinglé. En épinglé. Donc tu pourras le mettre sur le chat une fois que l'émission sera là ou même tu l'as ou pas. C'est possible ou pas. Je sais pas. Ouais. Parce que je l'ai pas non plus. Et donc du coup, n'hésitez pas à participer. Après, par contre, quand vous nous envoyez vos mercato, essayez s'il vous plaît de bien détailler, ne pas mettre un pavé avec tous les joueurs et autres, parce que genre là j'ai une trentaine de mercato encore à faire. Ah quand même. Et je vous avoue que quand j'en reçois certains hier j'ai fini à 2h et quand je vois certains qui m'envoient des messages avec juste bon moi je vendrai lui parce qu'il est nul et lui je le prends. Voilà, c'est un peu compliqué après. Alors faut que ça soit quand même un minimum. Et on fera quoi, on est réaliste. On élira les 3 meilleurs compos qu'on peut. Le gars qui nous dit je vends machin, je prends Messi, bon OK, voilà. Mais donc après j'en ai déjà plusieurs là de côté que avec des qui sont plutôt intéressantes et assez cohérentes. Et si bien. Et vous aurez pour ceux qui ont fait ces mercato et qu'on aura choisi, on vous attendra à l'antenne le 30 juillet pour faire ça avec nous en direct, voilà, voir en studio si vous voulez venir en studio même, si vous êtes sur Bordeaux. D'ailleurs, si vous êtes sur Bordeaux, que vous voulez assister à une émission en direct avec nous en studio, il n'y a pas de souci. Vous nous appelez, vous nous joignez. Alors vous savez mieux que moi, Twitter, Facebook, machin, tout ça. Tout est sur les réseaux sociaux et au pire, vous pouvez nous envoyer des messages. On peut s'organiser ça avec grand plaisir. Messieurs, 21h30, une fois n'est pas coutume, on finit à la bourre. Imparfait. Ouais, 2 minutes, 21h32. Moi, je suis sur Bordeaux, je peux revenir. Ah, oui. Mais avec. Alors, j'allais commencer par toi, par les remerciements. Attends, juste avant qu'on fasse tes remerciements, juste, oui. On va aussi lancer cette année le concours prono de GA. Donc, ça sera que sur la Ligue 1. Ça sera sur pronostic entre amis, donc on vous communiquera le code pour rejoindre la ligue et on fera une grande session de pronos toute la saison que pour la Ligue 1. On va déjà commencer par ça, ça évitera que certains oublient comme moi, et puis on se fera un bon petit prono, moi c'est sûr. Entre nous tous déjà mon petit gazon à la Coupe du Monde, j'ai fait tous les matchs de poule, après j'ai même s'il y a un lot à la con et ça le fait gagner un lot à la fin quand même pour le moins le gagnant. Bah on va se cotiser pour acheter je sais pas un mug à fiche déjà dessus par exemple. Oh non, c'est bon. Donc 21h30, on va terminer l'émission. Ça passe vachement plus vite, une heure et demie que l'ancien format comme on faisait avant. Mais c'est bien, ça permet de plus condenser, puis on est moins fatigué. Jade, oui, merci. C'est moi. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci. Que faites-vous? Excusez-moi, vous êtes qui? Où sommes-nous? Merci. Elle a appris deux choses ce soir, à taper sur un clavier et à brancher un casque. Oui. Parfait. C'était donc pas je gagné, veux revenir. Mais... on est sur des bonnes bases. Mais ceci dit, c'est déjà plus que certains autour de la table. C'est déjà pas mal. Notamment un individu que je ne citerai pas, mais je le vois pas actuellement. Donc merci à toi, vraiment. Avec plaisir. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux, si t'as envie. Alors, on te rassure, on sera pas toujours 7. Hein. On sera même plus souvent 4, ou 3, ou 5 que 7. Mais ouais, c'était avec plaisir. J'espère que t'as, voilà, qu'on t'a pas trop noyé sous non, les paroles ça va, et les machins. Voilà, merci t'as à toi. Juste noté quand même qu'il était chiant. Non. Ah non, le pauvre. C'est le sosie quasi. C'est le talent, tu vois, la jalousie du talent. Mais c'est les aigris, ça. On dirait les Croates, tu vois. On dirait les. C'est les Belges. C'est bien les Belges, ça. Mais tu vois, même ça, il sait pas la faire, la blague. C'est la blague qu'il fallait faire, c'était sur les Belges, là, c'était pas les Croates, quoi. C'est bien les Belges, ça. Tu veux pas remettre le max de Poco, s'il te plaît? Alors. Tu peux pas remettre le max de Poco? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Masque. Masque, ouais. C'est dur à dire, apparemment. Tu vois, c'est pas la première de l'année. Alors, on va. Oui, Cyril? Non. Oui, bah oui, on va terminer. Donc merci à Jade pour cette première. Et puis, bah voilà, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci, messieurs, avec merci. On refait les phrases de fin ou pas? Oui. Plus. Ouais, bon, bah alors. Alors, il y a une tradition dans cette émission. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Chacun, autour de rôle, on finit par une phrase. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bonjour, ça peut être un truc qui t'inspire. Ce que tu veux, alors ça peut changer. Enzo, non, toi, t'as plus rien. Si. C'est une phrase longue. N'importe quoi, ce que tu veux. Ouais. Tu veux vendre ta bagnole. Bonjour à ta mère, à ton père, à ta sœur, à ta copine. Non. Bravo aux équipes de Puma et aux Girondins pour le maillot sort. Ah oui, alors ça, on en parlera vendredi. Par contre, du maillot, ça va t'es sévère, je pense. Tiens. Beau. Alors, si, parce que je sais pas si tu seras peut-être pas là vendredi. Juste ton avis sur le, parce que les maillots. Si t'as pas l'occasion de le redonner à ce micro, ton avis. Non, juste sur le maillot rose. Juste le sien et on réagit pas. Juste pour avoir ton avis de supportrice, voilà. Est-ce qu'il doit y avoir un avis là-dessus? C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Merci. Pavard. Non, pour cette émission de transition. De Winamax, ouais. Je dis. Non, mais ça a bugué. Oui. Winchester, voilà. Merci Dembélé de nous avoir fait rêver. Voilà, son meilleur rôle dans la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de. Absolument rien compris à cette phrase. Tu connais pas. Winchester, pour moi, c'est un flingue. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es beaucoup trop vieux. Non, j'ai Facebook, mais j'ai pas Twitter, j'ai pas Snapchat, j'ai pas Instagram. Mais voilà, tu regarderas. J'ai l'air suffisamment con sur Facebook pour. Le club de Winchester. D'accord, ok. Qui tire aussi vite que son. Moi, je veux une photo de Jade avec un des masques. Voilà, c'est obligatoire. Oh. Un Poco. Attends, si tu veux qu'elle revienne de temps en temps. Ah ben justement, les invités ont tous fait ça, donc. Depuis qu'on a les masques, ils le font. Merde. Pas tous. J'ai encore des photos qui le prouvent. Hein. Marc, ta phrase de fin. Ah oui, ça y est, tu l'as dit. C'était ça, mais si tu veux, allez, je te fais Mbappé président. Voilà. Non, le pire. Juste un truc, je me le suis promis à moi-même et ça va me faire mal. Tous les champions du monde, je les applaudis avant que le match commence et quand le match sera fini. Entre temps, c'est la guerre, mais je meurs, mais voir Thauvin champion du monde de ma vie. Oui, une de mes idoles, c'est Kanto, c'est Cruyff, c'est ces gars-là. Ils n'ont jamais de leur vie été champion du monde. Je peux pas concevoir que Thauvin, Mendy, Sidibé et Tolisso soient champions du monde. Et ils sont champions du monde. Mais ils le sont. Et pourtant, je les aime pas et j'aime pas Fekir et tout, mais ils sont champions du monde. C'est compliqué. Rémi ou Jade, tu t'as un truc à dire? Non, moi je voudrais un compte pour Twitter pour toi. Je veux que tu t'inscris sur Twitter. Allez. Juste que tu rages parce que tu trouves que Facebook c'est la poubelle de l'humanité. Attends, mais déjà sur Facebook, je suis à deux doigts de partir à déterrer l'âge de guerre à chaque fois que je parle avec un mec. Mais juste sur Twitter, je pars en prison. C'est pire. Je pars en prison. Juste redonne ta chaîne. Passement Jade. C'est quoi, YouTube? C'est YouTube. Passement Jade, sur laquelle je fais des avant-matchs, donc sur les 5 championnats européens. Ça risque d'être différent à la rentrée, donc je vais voir un petit peu au niveau du format ce que ça va donner. Mais on peut se retrouver. Donc on se retrouve à partir de peut-être pas là pour Bordeaux. Je sais pas. Elle commence quand les grands championnats commencent quoi. C'est un peu ça. Petite période de vacances. Ouais, parce que voilà, moi aussi je suis championne du monde, donc j'ai le droit à mes vacances. C'est clair, normal. tu peux soulever la coupe. Si, ma phrase, Zidane, comme il est au chômage, il peut venir à Bordeaux, il y a la place. Tiens, il va aller à la Juve. Je me suis fait la même réflexion, mais je pense qu'il va se barrer à la Juve. Mais pourquoi pas? Non, apparemment, non. Ils avaient parlé directeur sportif, mais il n'y a pas de. Je sais pas. Ça reste que des rumeurs. Ça serait tellement brave. Mais de toute façon, Zidane au Real, puis Zidane à la Juve, fait son chemin inverse. Inverse. Hop, revient. Donc après la Juve. Voilà. Sauter Bordeaux, va dire directement si à Cannes. Si tout va bien. Ah non. D'ici là, le club, rideau. L'autre, il part à la SCAN direct, à la Boca. Cyril, la phrase de fin. Mais moi, comme d'hab, Didier Sénac, le seul, l'unique. Et pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci à vous tous. Merci, Jade. Merci, merci, merci, merci tout le monde. On est reparti très tôt cette saison, mais voilà, le calendrier l'oblige. On est reparti fin juillet pour une nouvelle saison qui va nous amener, espérons-le, en Coupe d'Europe au moins jusqu'au mois de mars. Au moins jusqu'au mois de mars. Avec Griezmann. Et voilà, donc on se retrouve vendredi 20h, 21h30 pour Girondin Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. Le podcast devrait pas tarder à arriver. T'enflamme pas, je vais le faire demain, le podcast. Donc oui, je dis pas tarder, j'ai pas dit de suite. Large jusqu'à vendredi. Demain, entre midi et deux, boulot. Et vendredi, évidemment, on débriefera ce Bordeaux Venpils pour ceux qui l'auront vu. On reviendra sur les maillots. Il y avait quoi aussi, Enzo? Je sais plus ce que tu m'avais mis. On verra. Plus il y a des choses à dire. Peut-être transfert, que d'ici là. Mercato, voilà, transfert, ouais. Mercato. Puis d'ici là, peut-être que les choses auront bougé au club. Allez, merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et allez, Bordeaux!